Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Hein, de oui oh, mais quoi bonjour, bonsoir. On s'applaudit, on s'applaudit pas. Bonjour, bonsoir et bienvenue. J'aime bien avoir le dernier applaudissement. Mais ça, en plus, pour les auditeurs, ils sentent que c'est toi. Oui, oui. Ils savent que non, c'est toi. Non, parce que je le dis à chaque fois. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Je suis Fort Bernard et comme à l'accoutumée, je suis accompagné. Tu es Fort Boyard donc. Non, je dis je suis Fort Bernard. T'as dit Fort Boyard un peu. T'es un peu Fort Boyard. Bah, je suis Fort Boyard, mon pote. Fort Boyard. Dans moi, il y a plein de noms. Aurélien. Thierry Amiel. Thierry Amiel. Port Fort Boyard et Thierry Amiel. Et c'est un très bon début d'épisode. Et nous sommes avec, comme à l'accoutumée, deux invités. Alors j'ai préparé des petits poèmes, vous me direz si c'est bien. Le premier, ai-je raison ou ai-je tort? A vous de me le dire de prime abord, à tribord ou à bâbord. Bah c'est bâbord. Oh, ouais. Ok, ok, merci. C'est beau, nice. C'est beau. Écris toi-même ou ChatGPT? Non, c'est moi-même, okay, bon. T'as reconnu la plume. Ouais. En ré mineur ou en fa dièse, sur le gâteau, elle est, pas la cerise, la fraise. Oui. Connaissez-vous la chaîne TV Braise? Rien à voir, elle c'est Camille Fievez. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Wow. C'est un beau poème, hein. Ouais. Vous êtes vraiment bien capturé. C'est tout moi, quoi. Vous êtes également auteur et comédien. Vous avez lancé récemment Palavas Péniche. Très content qu'on en parle. Tu as ta chaîne, effectivement, Clément également. Tout simplement Babord. Il faut juste Babord, taper, bon, Babord, peu importe, il pas... n'y a pas de tabou ici. Clem Babs. On peut dire Clem Babs. Clem Babs. Clem Babs. Et Camille, effectivement, tu es comédienne. On a pu te voir dans des séries, etc. Etc. Etc. Donc, comme actuellement, on va commencer avec les news du Floodcast. Avant de commencer. Je remercie les 200 000 messages que j'ai reçus. Qu'est-ce que tu fais, Adrien? Tu je ferme le petit truc de. Ça m'énervait. Le petit truc de la carte mémoire qui était ouverte. T'as voilà. Tout effacé, je suis désolé. Ah, yeah. Non, je remercie les gens parce que dans le dernier épisode, j'ai dit est-ce que vous vous souvenez où ai-je inventé les caissières avec des patins à roulettes? Oui, oui. Eh bien, non, tout le monde se souvient très bien de ça. Oui, oui, moi aussi j'en ai reçu, alors que vraiment on a dit oui, oui, ça existe. Et on m'a dit ben, bah, ça existe. Oui, c'est ce que j'ai dit dans l'épisode. Non, mais je pense que j'ai demandé. Non, non, j'ai demandé dans l'épisode, moi. Oui, mais moi j'ai rien demandé par contre. M'envoyez pas ça. Mais en général, peut-être, ne te parlons pas. Non, mais donc, si, si, mais. Bon, de là à répondre aux questions que j'ai pas posées, peut-être. Donc voilà, merci beaucoup. Nous allons commencer avec les news du Floodcast. Une étude a dévoilé le classement des marques que les Français ont le plus de mal à prononcer correctement. Je vous demande le top 5. Ça, c'est bien ça. Ça. Ah, mais ça, j'ai tout de suite senti qu'il allait adorer. Grundig. Alors déjà, je vais vous dire. C'est quoi Chris Grundig? Chris Prolls. Bah, c'est une marque. Ah oui. Alors non, Chris Prolls, très bonne idée. Mais ça ne fait pas partie. Je vais déjà vous dire comment ça s'est basé, cette recherche. Parce que c'est un peu. Ah, il n'y a pas Firestone, un truc comme ça. Ah non. Non, en fait, cette recherche, elle a été basée sur des études, sur les recherches Google. Des gens qui tapent comment se prononce gna gna gna. Et donc, du coup, d'accord. Alors gna gna n'est pas la marque, okay. Mais il faut trouver, pas la marque Péniche d'ailleurs. Ouais. Ouais. Il faut trouver la marque où tu fort. Es pas c'est sûr. En com, la... lui, c'est un génie. Hein. Enfin, sûr. Oui, je suis pas que poète, mais voilà, je suis aussi marketeur. Brice 3, c'est lui. Hein. Alors, à votre avis, est-ce qu'il n'y a pas Google déjà? Il y a Google. Oh là là. Google est deuxième. Non, je suis un sniper à ce jeu, moi. Non, mais la dernière fois, oui, il y a même, ça a été immortalisé par une animation de Kixama, qui a sorti une nouvelle animation d'ailleurs, et on l'embrasse, c'est un génie. Voilà. Ah, gros bisous, Kixama. Fort. Trop fort, Kixama. Bravo, Kixama. Trop, trop fort. Vraiment, voilà. Ouais. Couvrez le d'or, tout simplement. Donc Google est deuxième. Ça veut dire qu'ils ont tapé Google dans Google. Non, mais il va se passer quoi? Ça Internet va exploser. Oui, oui, oui. On est en 2012. Bah, Baptiste Lorber va le poster en story, je pense. Cette blague, normalement. On t'embrasse. On t'embrasse, Baptiste. L'iBig. Qu'est-ce qu'est l'iBig? Les soupes. Ah, l'iBig. Bah, toi, tu le prononces mal. Ah, l'iBig. T'as pas fait la recherche Google, apparemment. Bah, la je ne sais pas le prononcer. Mais même pas. L'iBig, c'est Macron, non? Oh là là. Il l'iBig, le mec. À grande échelle. Oh là là. toujours aussi engagé. On va être interdit en fait. Tu t'en rends compte. On va finir comme l'émission de J'oublie le nom sur France Inter. C'est encore nous, pardon. Ils changent chaque année en même temps. Ils ont choisi un nom. Donc, choisissez un nom, franchement. Alors Google est deuxième. Donc effectivement, alors t'as mis le doigt dessus. C'est des grosses marques que je vous demande. Alors il n'y a pas Liebig. Mais est-ce qu'il n'y a pas Soch à cause du truc Pas mal. Mais ouais, mais c'est un peu méta parce que c'est dans la pub en fait qu'ils jouent sur le truc. Est-ce qu'il n'est pas si dur à dire Est-ce que c'est des marques de produits de grande consommation ou plus des gros groupes Plutôt du gros groupe. Plutôt du gros groupe. Ah, est-ce qu'il n'y a pas Nike Il y a Nike. Nike, est troisième car effectivement il faut dire Nike normalement. Mmh. Adobe. Adobe. Ah oui, il n'y a pas Adobe. Mais oui, trop geek, je pense. Comment ouais, mais pas mal. Trop geek, pas assez mal. YouTube. YouTube, bien joué. Alors, en fait, c'est que des trucs. Parce que ma mère dit YouTube ou quoi Apple. Mais c'est quoi la vraie prononciation de YouTube? Il y a Apple. C'est ce que t'as dit, je pense. YouTube. YouTube. Mais il y a des gens qui disent YouTube. Mais moi, j'ai jamais compris pourquoi on foutait de la gueule des gens qui disaient YouTube alors que c'est plus proche de la prononciation correcte. Et on dit, ah, les vieux là qui disent YouTube. Il parle mieux que toi, donc respecte-les. Apple, tu as raison, Clément, effectivement. Et, quatrième. Et Facebook, qu'il faut prononcer face de book. Non, Facebook n'en fait pas partie. Vous n'avez pas dit le numéro 1, je tiens à vous le dire. C'est un truc de la tech? Pas du tout. Un truc c'est un site web, le numéro 1. C'est un peu la tech. eBay. Ouais, tu vas voir le site. eBay. Pas eBay. Alibaba. Non, Alibaba. Alibadou. Très Alibadou n'est pas un site internet. Okay, ouais, Alibadou est à l'affiche du dernier Fast and Furious. Une info que je vous cale. Attends, c'est vrai? Attends, à l'affiche. Alors oui, à un moment il y a des news internationales sur les méchants et en France il y a Ali Badou qui dit il y a Dominique Toretto. Bon voilà, là il y a Ali Badou à la fiche de c'est stylé. Voilà. Excusez-moi. Par un moment c'était mon mytho préféré quand j'allais à une soirée, je disais mais si, mais viens, il y a Ali Badou. Et du coup on dirait vraiment un mytho. Et les gens disaient ah pardon, j'étais pas motivé, il y a Ali Badou. Je viens immédiatement. Je vous dis le dixième. Oracle. Je connaissais même pas. Neuvième. Un neuvième, il est pas mal. On peut trouver le neuvième. Attends. Le huitième, c'est Louis Vuitton. Bon, un peu bizarre. Okay. Ouais, mais attends, c'est que les Français. Oui, ouais, c'est les recherches en France. Vraiment, là, c'est un nom français. Ah oui, chercher un truc. Là, on a un petit problème. Septième, Hermès. Sixième, Orange. Orange, c'est surprise. Bah, là, c'est. Bah, je te jure. Je te donne ce que je vois, moi. Mais je veux pas le savoir. J'en ai marre. Les infos du monde. Comment on prononce Orange? Tu sais. Kellogg. Tu l'as dit dans ta tête. Ah, Kellogg, c'est pas mal, mais non. Malheureusement. C'est un truc de luxe, le premier? Le premier n'est pas du tout un truc de luxe. C'est un site internet. Amazon? Non, pas Amazon. Un truc commercial? Pas commercial. Pas rue du commerce. Plutôt. Non, pas rue du commerce. Copain d'avant. Non, mais tu t'approches. Pensez à un truc un peu pas facile à dire. Skyblock. Ah, LinkedIn. Oh, très bonne réponse de Camille, la snipeuse des réponses. Incroyable. LinkedIn, effectivement. Ah, ça, c'est vraiment dur à dire. C'est vraiment. Ouais. Et le neuvième, alors je vous le dis. Non, attends, on peut trouver. Un petit indice. Dans le monde du. Ah, de la téléphonie, disons. Téléphone. Orange. Bah, je l'ai déjà dit. Oui, je sais. Bouygues. Pas Bouygues. Ah ouais. C'est vrai qu'on pourrait dire Bouygues. Ouais. Free. Free, non. SFR. Plutôt. Lika Mobile. Plutôt la Non. Ah, l'appareil. L'appareil en lui-même. Pas l'iPhone. Samsung. Pas Samsung. En tout cas, vous le dites vachement bien. Ah, ouais. Huawei. Huawei, du coup, je sais pas. Moi, j'aurais dit Huawei. Ouais, j'aurais dit Huawei aussi. Tu dis Huawei. Moi, j'aurais dit Huawei. J'aurais dit pas Huawei. Je parle. Hier c'était, alors oui, pour vous, parce que pour nous c'est dans le futur, mais pour les gens c'est dans le passé. C'était la fête des mères. Alors vous connaissez la légende urbaine, comme quoi ce serait le régime Pétain qui a inventé la fête des mères. C'est un peu vrai. Alors voilà, c'est pas vraiment vrai, parce qu'elle existait, mais le régime Pétain a dit, c'est ce mois-ci, le dernier dimanche du mois de mai. Ouais, il en a fait une fête nationale, je crois, en fait. Voilà, avant c'était un petit truc, évidemment. Oui. Mais y a un truc super cool qui a été mis en place par l'Allemagne nazie et je vous demande laquelle. Le Fanta. Alors il y a le Fanta, effectivement. Par rapport à la fête des mères, du coup. Fanta, on peut raconter l'histoire de Fanta quand même. Bon, pendant longtemps, enfin c'est toujours. En tout cas sur la page Wikipédia de Fanta. Ils ont enlevé le drapeau, mais pendant un moment il y avait marqué pays d'origine, Allemagne, Troisième Reich, avec le drapeau et tout, avec la croix gammée et tout. Ce qui est vrai parce qu'en fait, comme il y avait un embargo des États-Unis sur l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands, ils avaient plus de Coca, ils ont dit bah, il faut qu'on fasse Coca Allemagne. Coca Allemagne, en tout cas, n'avait pas de Coca. Bah non, mais c'est genre, il y avait plus de. Enfin, c'était livré des États-Unis, quoi. Oui, donc, il y avait plus de Coca en Allemagne. Ce que je veux dire, c'est que c'est la firme allemande de Coca-Cola. Non, ça a été racheté par Coca après. Ah ouais, ils disent pas ça sur Wikipédia. Ah bon, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je le dis avec assurance. Non, pour moi, ça a été racheté par Coca après. Crois-moi, je te jure, j'ai un ordi. les fake news, ça te dit quelque chose ouais, ou pas ouais. Bon, bref, en tout cas. Après, je me base sur Wikipédia. Il n'y avait plus de Coca en Allemagne. Ils ont dit, ah, il faut qu'on crée notre propre soda avec ce qu'on a sous la main. Ils avaient des oranges, ils ont fait le Fanta. Donc, c'est l'Allemagne nazie qui a créé le Fanta. Alors, on parle Fanta XU, du coup. C'est ça, exactement. De près ou de loin, Fanta. Voilà. Et ils essayent très fort de faire oublier ça en modifiant la page Wikipédia. La croix gammée quand même, c'est peut-être pas obligé. Ils avaient quand même fait, d'ailleurs, Acast, si Fanta veut sponsoriser l'émission, on est grave chaud là en ce moment, hein, ça ou se sent. Ou n'importe qui aussi. Hein. Mais ils avaient quand même fait une campagne, Fanta à l'époque, et je me souviens, on était à Golden à l'époque, c'était retrouver le goût des bonnes choses du passé. Ouais, ça mal passé, ouais. Pas malin Fanta, pas malin. Ouais. Non, là c'est quelque chose plutôt bon pour la santé. Ah, les 5 fruits et légumes par an. Non, alors pas les 5 fruits et légumes par an, mais on s'approche. Mangez-bouger.fr. D'abord. Non, mais t'es pas loin, c'est un truc de ce genre-là. Le sport ? Non, ils ont pas inventé le sport. Les 10 non, 000 mais pas un truc par de jour. Sport, je veux dire. Pas un truc de sport. T'as dit quoi ? Les 10 000 pas par jour. Hein, mon podcast préféré. Le concept de transformation physique ? Non, ça, c'est pas non plus. Non mais c'est quelque chose effectivement et, sur et, la santé quoi. Et tu disais manger bouger, on est sur quelque chose de l'ordre de la campagne en tout cas de quelque ah, chose. D'accord. Ah mais attends, ça me dit quelque chose. Et oui. C'est pas se brosser les dents tous les jours. Okay. Est-ce que c'est il y a un slogan associé? Pas vraiment. Non, mais non, donc non, c'est une habitude bonne pour la santé. Ah, boire du lait, des trucs comme ça. Non, pas boire du lait. Boire de l'eau. Pas boire de l'eau. C'est quelque chose de. D'ailleurs, les rageux buvez de l'eau. Hein. Non, oui, oui. N'hésitez pas. Non, mais vous allez maigrir de toute façon. Ouais. Est-ce que c'est un truc lié à l'alimentation? Pas alimentation. Donc c'est au sport, se bouger? Pas vraiment le sport. Un style de vie actif? Un style de vie bon pour la santé. Peut-être. Être végétarien. Alors pas être végétarien. Ça c'est l'autre d'ailleurs grande légende urbaine. Oui, que Hitler avait une couille et était végétarien. Voilà. Manger équilibré, antisémite, soi-disant. T'as dit quoi? Manger équilibré. Alors pas manger équilibré. C'est pas lié à l'alimentation. Ah d'accord. Ah oui. C'est plutôt. Ouais, mais là je vais trop vous aider. Non. Faire du sport à la maison. Comment il m'a vraiment levé la main, il a fait hop. Je le méritais. Ouais. Faire du sport à la maison. Non, pas du sport à la maison. C'est pas lié au sport. Pas lié au sport. Attends. Pas sport. Pensez à des campagnes que vous voyez tous les jours, enfin assez régulièrement, mis en place. Un truc. Pour vous protéger de choses. Ah, du soleil, un truc. L'actimel, le bifidus actif. Non, non. Ah, le. Tousser dans son coude. Non. C'est lié à la santé. C'est comme ça qu'ils ont créé le salut nazi. C'est tousser dans le coude et ça a dérapé. Ça, c'était le DAB, ça. c'est le DAB. C'est un truc lié à la santé. Vraiment pure santé. Et c'est pour se protéger de quelque chose? Ouais, alors c'est pas le préservatif. C'est pas sexuel. C'est pas les masques, du coup. Enfin, il n'y a pas de cette notion de. Non, c'est pas les masques. C'est pas les masques du Covid. Se laver les mains. Que... Pas se laver les mains, mais s'approche. Pas mal. Le gel hydroalcoolique, ils pas le gel hydroalcoolique. Se laver tout court, les douches. Non. Est-ce que c'est pour se protéger des microbes, des bactéries? Non. Waouh. Okay. Du soleil? Non. Si, c'est un truc pour éviter d'attraper des maladies. Et donc, il dont faut. Une particulière. Boire. Ah. Non. Un truc lié à. Le cancer? Alors, lié au cancer. Le pas n'importe quel cancer. Le cancer de la peau? Non. Le cancer. Ah, ne pas fumer! Fumée dangereuse. Exactement. Ah, okay. Des campagnes anti-tabac. Oh. Après l'identification par les médecins allemands du lien entre tabagisme et le cancer du poumon, se développa un mouvement anti-tabac sous le Troisième Reich qui déboucha sur la première campagne anti-tabac de l'époque contemporaine. Cette campagne allemande fut le plus grand mouvement anti-tabac dans le monde. Durant les années 30 jusqu'au début des années 40, les dirigeants nazis condamnèrent le tabagisme et nombre d'entre eux critiquèrent ouvertement la consommation de tabac, pourtant très populaire à l'époque, même chez les médecins. Parce qu'à l'époque, les docteurs disaient non, mais ça fait du bien, ça détend un peu. Et le cynisme de consommation de tabac. Les nazis qui te conseillent quoi que ce soit, vous êtes les nazis en fait. Vous devriez pas fumer, vous devriez peut-être pas tuer des millions de gens. Balayez devant votre porte les nazis. La consommation de tabac fut alors interdite dans les tramways, les bus et les métros. Et le prix du paquet de cigarettes augmenta drastiquement. Deux principaux facteurs motivèrent cette action: le dégoût personnel d'Adolf Hitler pour le tabac. Il n'y avait pas les cigarettes, Adolf Hitler. Donc voilà. Si vous on en apprend tous les jours sur ce petit bonhomme. Et parce que voilà, ça reste effectivement des nazis atroces, l'eugénisme, à savoir évidemment se débarrasser de ce qui rendrait faible une race. Et donc évidemment, les campagnes anti-tabac ont permis de véhiculer. Cela dit, ceux qui résistent à une vie de fumeur, c'est qu'ils sont plus solides. Oui, mais ils abîment. Ils abîment. Oui, mais ouais, tu t'abîmes pas génétiquement les. T'es, tu vois ce que. Écoute, je veux dire. Tira en discuter avec des nazis. Ah oui, bah, ils... sur deux. Oui, bah désolé, c'est bâclé. Ils ont pas, ils ont rien dans le cigare. Mais les ça, mecs. Les nazis. Réfléchissez deux minutes, les nazis en fait. Hein. Un homme de 50 ans risque de se faire amputer du pénis. Je vous le dis comme je le pense. La tuile, j'ai envie de vous dire, à votre avis, pour quelle raison? Est-ce qu'il s'est coincé la bite entre deux planches? Non, mais ça, c'est une chanson de Bobby Lapointe. Le diabète ou un truc du genre, une maladie? Une bestiole. Non, pas une maladie. Une bestiole. Très déprimant. Pas une bestiole. Pas une bestiole. Une bestiole. Ça me. Vois, la largeur. Oh, une bestiole. Le poisson là. Une le poisson. Le poisson au genre de queue quoi. Le fameux là dans l'Amazone. On avait parlé du poisson mangeur de couilles, ceci étant dit, je vous rappelle, dans ce podcast. Ouais, un poisson qui rentrait. Non, qui gobait les couilles parce qu'il croyait que c'était des noisettes. Et donc il y avait des nageurs. Ah oui, bah écoutez, c'est mère nature. Hein. Si t'aimes pas. Non, non, mais. Est-ce qu'il s'est coupé d'une certaine façon? Alors, non, il ne s'est pas coupé. Est-ce que. Quoi couper? Est-ce qu'il y a un problème avec son pénis ou il y a un problème avec lui, son utilisation de son pénis? Alors non, il y a eu au final un problème avec son pénis, mais c'est par rapport à son utilisation, effectivement. Il en a fait quelque chose de ce pénis. Ah oui, mais c'est pas genre. Il n'y a pas un truc génétique. Je veux dire, il n'y a pas un comportement sexuel qui fait bon, bah allez, terminé, vous avez plus de bite, comme ça vous pouvez plus. Non, mais le comportement sexuel fait qu'il va devoir se faire amputer. Il a mis sa bite dans une bouteille. Non. Là, est-ce qu'il l'a mise dans un endroit inapproprié? Non. Dans une canette. Ah, c'est pas ça. Oh, dans une sorte de calebasse. Dans une chaussure de très petite taille, il a serré les scratchs à fond. Des kickers, des ça. Des Atemi. La marque Atemi. À scratch. Il était dans une halo chaussure, il a paniqué. Non, mais il a mis son pénis dans quelque chose. Alors, non, il a mis son pénis dans une femme. Ah, il l'a coupé femme. En deux. Ah, oh, waouh. Dans une femme. Voilà. Ok. Waouh. Ah, mais et elle avait quelque chose. Non, elle avait pas de maladie. Non, non, mais genre un objet, un jouet sexuel. Ah non. Non, non. Attends. À l'issue de ce rapport sexuel, il va peut-être devoir se faire. Oui, c'est-à-dire que l'activité. Ah, est-ce qu'il a pas baisé dans son bain et il y a eu un appel d'air et c'est un truc comme ça, sa bite est restée coincée comme à cause Jean-Edouard, de. Jean-Edouard, c'est ce qui s'est passé. Ah, tu veux dire, ils sont coincés et là, les médecins disent on n'a pas d'autre choix que de couper la bite. Ce qui me paraît curieux, mais je. Faites levier, faites levier. C'est un brainstorm, il n'y a pas de mauvaise idée. Merde. Non, c'était pas un reproche, mais j'ai essayé de comprendre ce que tu disais. Alors, c'est pas ça, mais effectivement, là où tu approches, c'est que c'est. Ils ont eu un rapport sexuel et c'est à l'issue de ce rapport sexuel que ça allait pas bien. Et c'est les médecins qui ont vu le truc, qui ont fait oulala, il va falloir peut-être. Ah, il avait un truc coincé dans la bite? Rien de coincé dans la bite. Mais elle avait un truc il dans il a mis son pénis dans cette femme qui était saine, c'est ça que oui, la femme. La femme okay, voilà, tout, mais même lui, il était très sain, il y a pas de souci. Est-ce que c'est un truc d'ordre dermatologique cassé, genre, tu peux te casser la bite. Enfin, tu peux te casser la bite, ça je te mais dis. Mais c'est pas ça, je le pense. Mais c'est pas ça. N'hésite pas, hein, vraiment. Bah, t'es ici chez toi, tu sais, tu te casser la bite, tu te casses la bite. Non. C'est pas des frottements, des trucs. Alors, une allergie à la capote. Pas une allergie. Il allait trop vite. Ça existe, ça c'est pas que c'est terrible. Il paraît. Ça me terrifierait si j'avais des rapports sexuels. Une préoccupation au moins. Hey, on dort tranquille hein, quand même. Donc ouais, il y a eu une réaction chimique un peu. À la cacahuète, une allergie à la cacahuète. Il y avait un bol à côté. Un œdème de Quink de la bite. Donc sa bite a fait une réaction quoi. Ouais. Nécrosée. Alors, elle s'est nécrosée, ça je peux te le dire comme je le pense. Bah, donc, c'est foutu là, faut la. Bah, si c'est nécrosée, c'est. le médecin. Oh là, oh, ouais, si c'est nécrosée, faut couper. Ouais, là, attendez. Coup de scalpel, c'est terminé. Y a rien à faire, nécrosée. Ah, ça se nécrose. À moins d'avoir un puissant mage qui peut ramener à la vie. Une sorte de Gandalf le blanc. Ouais, voilà. Le blanc. Oui, ah oui, Gandalf le gland, ça peut être le titre, pourquoi bah, pas alors. Pourquoi pas en fait. Est-ce qu'on est des beaufs? Oui. Oui, il a eu un choc septique et souffre maintenant d'une nécrose du pénis et du scrotum. J'en doute. Oui, septique. Mais là, il y a encore un truc à trouver. Ah oui, toujours. Ah c'est qu'est-ce qui a créé ça? Ah ouais. Ah, elle avait son tampon toujours. Non, elle avait pas son tampon. Il y a un animal dans l'histoire? Un chien qui lui aura léché la bite pendant le. Je dis ça, enfin, rien à voir avec ma vie. Ah non. J'imagine que non, ça peut arriver. Ça peut arriver à des gens, encore des chiens, mais. Voilà. Avec un appart petit, et tu peux pas forcément. Voilà. Des acariens. Non. C'est pas une bestiole. pas une bestiole. Est-ce qu'elle lui a mis un truc sur la bite? Genre, du lubrifiant. Un petit chapeau de clown. Allergie au lubrifiant? Non, pas une allergie. Non, mais tu vois, un truc de la bouffe pour un jeu sexuel. Tu ah vois. Oui, non. La capote était trop serrée. Ah. Non, la capote n'était pas trop serrée. Est-ce qu'il avait une capote? Ça, l'histoire. Ah, donc ça n'a rien à voir avec une capote. Donc c'est la capote est trop serrée. Par contre, c'est un roman d'Agatha Christie. Non, c'est vrai. Mais est-ce que c'est la femme qui lui a provoqué ce choc sceptique? Non, c'est ensemble. C'est pas la femme. C'est pas pourquoi son propre sperme. Il est allergique à son propre sperme. Ça, on en avait parlé aussi dans le podcast. Ah ouais. Ah ouais, on a parlé de plein de choses. Non, mais alors attends, c'est le Collège de France. Tu t'habites dans Google Actu. Normalement, on l'a traité dans le podcast. Normalement, sur les 15 dernières années. C'est dur là. C'est son orgasme qui a. Ouais, non, mais la réponse va vous décevoir, donc je vais vous donner les. J'en doute. Écoutez. Bon, allez, vas-y, regarde-le. Ils ont fait l'amour pendant 24 heures sans s'arrêter. Oh. Ah oui, bah voilà aussi. Oui, un touriste allemand de 50 ans, de passage en Italie, se trouve à l'hôpital de Grosseto, en Toscane, après avoir passé 24 heures à se droguer et avoir des rapports sexuels en chaîne, dans un véritable marathon de sexe et de drogue, comme le rapporte le journal La Repubblica. On pense tous à la même personne. C'est du chemsex, hein, c'est vraiment ça. En vacances dans la ville de Castel del Piano, village touristique de la région, le touriste et sa femme auraient pris de la MDMA. L'homme a subi un choc septique et souffre maintenant d'une nécrose au pénis et au scrotum. Il s'appelle Antoine Piombino. Rappelle que même si les consommateurs d'extasy pensent que la prise de drogue améliore les performances sexuelles et retarde l'orgasme, des études ont montré que l'ingestion de MDMA peut neutraliser le système immunitaire du corps, ce qui rend les consommateurs plus vulnérables aux infections, et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce monsieur, puisque le risque est d'autant plus grand lors de rapports sexuels excessifs qui peuvent causer des abrasions du pénis, ce qui donne aux infections un chemin plus direct pour entrer dans le système. 24 heures, on va se calmer, hein, chéri. J'allais te dire, j'aurais jamais trouvé cette réponse, j'aurais même pas pu l'imaginer. Et est-ce que si tu prends juste un tout petit peu de MDMA, tu peux viser peut-être 10-15 minutes c'est possible ou oui, pas? Un que tu casses en deux. Pour booster ses performances, je veux dire. Tu vois. Que tu mélanges avec un peu d'eau. Oui, voilà. Ouais, voilà. Non, mais peut-être. Une sorte d'homéopathie. Ouais. La MDMA 500, elle est trop bien. Pour enfants, la MDMA, voilà, pour enfants. Oui, que tu mets dans une pipette et que tu rentres dans, bien sûr. MDMA Kids. Le titre. L'application de rencontre Tinder a enquêté pour connaître le top 3 des qualités les plus recherchées chez les célibataires. Je vous demande ces trois qualités. L'humour. Alors, hein, l'humour. Alors, l'humour n'est dans le top 5 mais n'est pas dans le top 3. L'ambition. Alors, oui, pas l'ambition. Mais ça, c'est. Ouais. Ah ouais? Un peu sous, ouais, je le. On est dans pour avoir monde. Fait une petite incartade, ouais. Très, ouais, infructueuse. mais. T'avais pas Tinder Gold? Si, si, si, ah bien, ouais, sûr. Ah merde. Il a dit ah merde. Non, il y a. Ouais, non, mais alors, qu'est-ce qu'il y a, Pensez à des réponses basiques. Où la personne qui répond se la joue un peu quand même. Bon, enfin, moi, quand même, intelligent. Alors, ouais, il n'y a pas intelligent. C'est pour toutes les personnes sapiosexuelles, c'est-à-dire, ouais, une personne sur deux. Les applis de rencontre. Mais on, ouais, cherche un truc qui serait écrit dans la bio des gens. Bah alors, je sais pas exactement comment le top a été. Alors, je remercie Sylvain d'ailleurs qui m'a envoyé cette news et plusieurs d'ailleurs. Sylvain? Non, pas Sylvain, ah, non, non, Sylvain. Sylvain un qui... mec qui s'appelle Sylvain. Ouais, okay. Bah ouais, qui écoute l'émission depuis longtemps et qui m'a envoyé des news, dont celle-ci. Mais attends, hommes et femmes confondus? Oui, hommes et femmes confondus. Parce que je pense que c'est pas les mêmes critères. Ouais, bah la beauté déjà, non? Et ben non, le physique n'est pas dans le top 5. C'est, oui, pour ça que je pense qu'ils mentent. C'est ça. Bah, cela dit, ils ont pas besoin de demander beau parce qu'ils ont les photos. Peut-être, c'est le principe. Ça. Ouais, oui, c'est vrai. Non, non, la beauté ne m'intéresse, enfin, pas. Des fois, il y a plusieurs personnes sur la photo et tu sais pas qui c'est. Oui, oh là là. Mettez au moins un emoji sur la tête des gens que vous êtes pas. alors attends. Mais t'as dit une bonne réponse ou pas, toi? Ah non, mais j'ai non, bon, ça, rien va, dit, ça va pas. Laquelle est venue pour ça? Attends, Donc intelligent, c'est pas dedans. Non, intelligent. Et pas humour. Et pas beauté. Attends, qu'est-ce que c'est que ces gens? J'ai pas ambition. Je comprends pourquoi j'ai pas le mindset. Un bon mindset. Ah, la richesse, enfin être riche. Non, pas être riche. Attends, tu veux dire que c'est prétentieux de la part des gens qui répondent de vouloir ça? Non, de vouloir ça ou ça? C'est genre moi, ce qui m'excite. Bon, c'est ça. C'est ça, mais donc c'est ça. C'est les gens qui disent je recherche, oui, ça, c'est prétentieux de leur part. Ouais. Okay. C'est les qualités les plus recherchées. La perfection, je sais pas si c'est une qualité. Non, il n'y a pas la raison. Donc c'est genre pouvoir me suivre ou un truc comme ça. Ah non, c'est pas des trucs poètes comme ça. Non, mais tu vois, moi je vis à 100 à l'heure, il faut tenir la distance. La, quoi. Ouais, non, c'est ça. Pas du tout. La cadence, ouais. L'adaptabilité. Cadence, man, d'ailleurs. Ouais, on a parcouru le chemin, on a tenu la distance. Oui, voilà, c'est vrai. T'as dit quoi, Clément? L'adaptabilité. Non, mais il y a un truc, tu disais capacité mindset. À disrupter. Ça, positif, genre. Alors. Non, il y a pas. Je vous donne le bienveillant. Solaire. Bienveillant. Non, solaire. Non, donne le 4. On sait que l'humour c'est dans le 5. Donne le 4. J'ai pas le 4. Ah, d'accord. Non, alors, c'est physique. Ah, gentil. Alors, il y a. Bien. Ah. La bienveillance. Alors, je vous le donne, il y a le respect en deux. Ah, mais bien sûr. Putain, j'aurais dû le dire. Moi, je veux. Ah oui, donc on est sur ce truc de très basique. C'est respectueux. Oui, parce que ça, c'est nul. Je cherche un homme. C'est triste. On part de loin. Je cherche quelqu'un de respectueux. Oui. J'espère bien pour toi. Ouais. C'est triste. Quelqu'un qui se pisse pas dessus quand je parle. Propre sur soi. La perle rare. Quelqu'un qui se pisse pas dessus. Pas un assassin. Ouais. C'est possible. C'est dur de trouver des trucs aussi nuls. Ah oui, on est sur ce genre de putain. Alors attends. Je vous donne le numéro 3. Bah, c'était pas le respect. Non, ça c'était le 2. Oh. Le 3, c'est. L'ouverture d'esprit. Mais bien sûr. Ah, j'ai dit bienveillance. Mais c'est normal, ouais. Alors attends, j'aurais tellement c'est limite pas la même chose. Ça aussi. Si, alors on peut. Alors attends, il y a moyen de trouver. Ouverture. Pensez le truc le plus nul. Respect et ah putain. Liberté. Savoir s'amuser. Égalité. Fraternité. Ça, savoir s'amuser. Ah putain, ouais. Mais on est encore trop. Ah ouais, en fait, c'est trop une vraie qualité. Là, penser à un truc vraiment. Vraiment nul à chier. Ouais. Être sympa. Ouais, on s'approche. Feel good. Poignardé, bonjour. Sympa, on s'approchait. Non, mais c'est aussi vague. Cool. Aime rire. Cool, t'as dit. Cool. Je dis cool. Ah oui, avec 4 euros, ouais. Cool Raoul. Ouais. Ou Relax Max, enfin l'un ou l'autre quoi. Let's blaze. Pas prise de tête. Non. Ah mais c'est pas mal. Mais... Non, on est sur un truc chill. Un petit peu plus. Non, pas chill, un truc un petit peu plus engageant quand même. Ah, qui veut des enfants. Non, ou. Non, justement, alors pas ouais, autant. Ouais, pas peur de s'engager. Ah non, l'inverse. Ah, affectueux. L'inverse. Non, non, on s'approche. Affectueux. Pas affectueux. Un truc qui marche avec des chevaliers également. Voilà. Galant. Non. Courageux. Servant. Preux. Non. Servant. Bah, chevalier. Qui a un bouclier. Qui marche avec des chevaliers. C'est ça. Attends. Ça commence par un L. Loyal. Ah oui. La loyauté. Ah. Je sais même pas vraiment donner la définition de loyauté pareil. Dans un bah, dans, comme ça. Oui, c'est pas qui tromper, va pas voir ailleurs. Ouais, c'est oui, ça. C'est ça. Ouais. Ouais. Fidèle en fait. Fidélité. Oui. Après, ça. On pourrait l'inclure dans le respect. J'ai envie de dire. 12 Toulousains vont gagner chacun 18 000 euros. Pas mal. Ils seront cobayes pour la recherche spatiale. A votre avis, que devront-ils faire? Rien. Tester les accélérateurs de gerbe. Alors pas les accélérateurs de gerbe. Tu t'approchais en disant rien. Mais j'ai besoin dormir d'une petite. Pas dormir. Mais on s'approche. Écouter tous les albums de Big Flo et Oli en zéro gravité. Non. C'est pas genre rester vraiment immobile pour Je pense que je vais devoir la pesanteur. Ouais, je vais te l'accorder parce qu'on est pas loin. C'est rester allongé pendant 2 mois. C'est le Parisien c'est qui nous raconte cauchemar. Cette histoire. Le but 18K, 18K. Restituer les effets. Mais c'est pas assez. Mais sans énorme. Prendre de MDMA. Non. Gratos. Impossible. Mais il y a des détails d'organisationnel, genre de pipi caca, tout ça. Je vais te raconter ah tout ouais, ça. Bien sûr. Alors j'ai pas le pipi caca, hélas, tu vas être déçu. Mais pourquoi t'as choisi on est dans le bon news, podcast je... je quitte le projet. Ouais. Oh, tu couperas au montage. Ça n'a aucun intérêt. Je sais pas ce qui m'a pris. Le but, restituer les effets de la pesanteur, effectivement, à laquelle sont soumis les astronautes dans l'espace et préparer les vols au long cours. L'expérience permet de recréer l'absence de gravité et ainsi contribuer à améliorer les conditions de vie des astronautes pendant leur mission. On se voit mincir des jours en jour au début, sourit Mathieu, l'un des 12 hommes sélectionnés pour cette expérience qui s'est installée depuis 5 semaines à la clinique de MEDES, filiale santé du Centre National d'Études Spatiales. Le lit de ces volontaires, choisi parmi 3000 candidats, reste incliné durant 60 jours, selon un angle de moins 6 degrés. Le plus à même de restituer les effets de la pesanteur à laquelle sont soumis les astronautes, donc ils sont même pas couchés vraiment à l'horizontale. Tout est donc organisé dans le but de permettre aux 12 hospitalisés de rester couchés. Près de 100 personnes sont mobilisées pour les suivre sur la durée de l'étude, des soignants aux chercheurs afin de comparer l'évolution de leur organisme en fonction de leur exercice physique. Les volontaires sont répartis en 3 groupes. L'un effectue 30 minutes de vélo allongé par jour. L'autre n'est soumis à aucune activité physique. Il y en a un qui se fait baiser en fait. Ouais. Tandis que le troisième doit pédaler tout en étant dans une centrifugeuse humaine en mouvement. L'horreur. Ça me fait penser au film de Michael Youn. Ouais, il se dégueule et tout. Ah, j'ai pas vu. Les 11 commandements. Je l'ai pas vu. Je ne m'ennuie pas. Tout le monde est très sympa, assure Alejandro. C'est pas le troisième déjà qui dit ça. C'est un ingénieur aéronautique espagnol de 26 ans qui vit à Toulouse. Je ne m'ennuie pas. J'ai peur pour ma vie à chaque instant. Non, je n'ai pas le temps. On est en contact avec les autres chambres. On organise des tournois de jeux vidéo sur Mario Kart ou FIFA, s'amuse-t-il, tout en pédalant sous la supervision d'un entraîneur. Pour eux, l'expérience prendra fin avec un retour accompagné à la vie normale début juillet. Alors, ce qui est très triste, c'est que je joue à Zelda en ce moment et que je me suis dit, putain, mais. Je pourrais mettre ce temps à contribution et faire du sport et je suis à deux doigts de m'acheter un vélo allongé. Ah. Donc je fais ça gratos moi. Je vais bientôt faire ça gratuitement. Mais quoi. Tu peux tester la gravité. Ouais, mais alors par contre je comprends pas vraiment À quel moment ça reproduit la gravité d'être allongé Non, c'est plutôt les voyages, je crois. T'es, vu qu'ils veulent aller et potentiellement retourner sur la Lune ou aller sur Mars, je pense que c'est voir les effets de pas bouger pendant beaucoup de temps. Ah ouais. Je crois que c'est ça. Mais ils ont pas le droit de bouger du tout. Bah, parce qu'ils vont avoir des escars, des trucs. Le Parisien ne nous le raconte pas. 18K l'escar, mon pote. Ouais, ça va. Si des gens le font, qu'ils nous aillent pas à nous appeler, évidemment, et on sera ravis d'en causer avec eux. J'aimerais savoir comment ils pissent et ils chient tout de même. Bah, je comprends. N'hésitez pas à nous envoyer des DM sur le Floodcast, l'Instagram du Floodcast, Floodcastpod, et pas forcément à moi directement. À utiliser cet Instagram à moi. Que l'on regarde, hein, on y va, hein, ouais, vraiment, ouais. En plus, ça c'est pas une blague. Mais faites-le. Oui, d'ailleurs, j'ai regardé mon petit bonhomme. Dis-moi. Il y a quelqu'un qui a dit effectivement, le jeu des pinces c'est truqué. Ouais. Tu l'as vu ou pas? Ouais, je te l'ai dit, mais je l'ai pas dit à l'antenne. Si, je suis fou. Voilà. Salut. Au revoir tout le monde. Est-ce que vous pourriez le faire, ce truc-là? Rester. 2 mois allongé comme ça, rien faire. Moi je pense que ça, sur la santé deux mentale. Mois, la version non. Vélo peut-être. Ouais, mais t'es allongé quand même, hein, sur la version vélo. Ouais, mais tu pourrais quand même. Mais tu peux te mettre sur le ventre, sur le dos ou tu. Bah, j'ai pas de réponse, mais je pense que j'espère. Bah, si tu bouges pas du tout, je pense que là t'as des graves. Mais je vais vous montrer l'image quand même du truc. Ils sont vraiment. Enfin, c'est vraiment un truc médical quoi. Non, mais si t'as une sonde pour pisser et tout, moi c'est sûr, je le fais pas. Ok. Et si on bouffe de la bouffe dégueulasse d'astronaute, je le fais pas non plus. Bon, c'est si Lyon, c'est... Enfin, c'est à Toulouse, donc j'imagine qu'on mange des cassoulets. Non, c'est vraiment un truc. En plus, c'est un peu oppressant parce que t'es dans des, tu vois, t'es dans des combinaisons. Comment on appelle ça, putain, avec des en plastique. Quoi, ah oui, tu oui. Vois, attendez, je vais vous montrer l'image. Excusez-moi. Ils ont un casque sur la gueule. Ouais. Ah bah je le fais. Oh pas. Non, bah, ça non, c'est non, sûr. Là, je regarde, pas. C'est bon. Hop là. Je me demande si le gars qui fait la centrifugeuse, il a ça aussi. Tu vois, c'est vrai. T'es un peu un spationaute un peu. Mais non, mais à quel moment il joue à Mario Kart dans cet accoutrement, par contre? Non, mais les mains pas une seconde. Les mains sont peut-être libres, tu vois. Mais non, c'est vraiment un truc. Non, mais il leur inocule des souvenirs, ils ont jamais joué. C'est la matrice pour moi. C'est trop bien, on est parti dans le sud, aller au Maroc. On fait une musquette à fond. Ouais, j'ai retrouvé mon père. Non, vraiment, c'est super, c'est organisé. Aux USA, des spectateurs ayant assisté au concert de Taylor Swift ont décidé de se faire des couilles en or plus que massifs. À votre avis, comment? Attends, des couilles en or, mais c'est une expression. Non, mais avant. Des spectateurs qui ont assisté au concert de Taylor Swift ont décidé de se faire de l'argent. À votre avis, comment? En vendant des hot dogs. Alors, tu l'as dit avec un ton qui m'a rendu un peu triste. Alors, ils ont vendu quelque chose à l'issue du concert, à la fin du concert, pas pendant. Ah, des cheveux. Pas des cheveux, mais on s'approche. Un truc qui a été récupéré lors de la du concert. Sueur. Des mouchoirs. Pas la sueur de Taylor un Swift. Un verre. Pas les mouchoirs. Ça pisse. Pas la pisse. La sueur. Pas la sueur. La crotte. Pas la crotte, pas la bouteille d'eau. Crotte de nez, la morve. La crotte à Taylor Swift. Un bout de robe, un bout de tenue. Non, pas un bout de tenue. Non, non. La setlist ou un truc du genre. Non, ça je l'ai fait moi sur Metallica, je l'ai récupéré. Tu l'as revendu? Non, je l'ai gardé jusqu'à. Comme tout ce que je récupère qui pense à de la valeur, je l'ai perdu. Tes parents l'ont revendu et se sont fait de l'argent. Non, je pense. Quelque chose qui vient d'elle-même. Eh bien, très bonne question, Adrien, puisque pas du tout. Ok. Ça n'a pas été créé par Taylor elle-même. Non mais ça, je veux non, dire je... pas des cheveux. Non, c'est non, pas, non. Et puis même c'est pas de la sueur, c'est pas de la. C'est pas tombé pisse. D'elle, genre c'est des boucles d'oreilles d'elle. Ou quoi. Quelque chose en revanche, qui était moi, sur je scène. Tombé pour elle, parce que c'est ma maison, ainsi que ma tour Eiffel. C'était sur scène pendant le concert. Pas un album. Ouais, c'était un album. Ouais, la folie triste, c'est un mec qui est dans la merde, ils vendent tout simplement des bitcoins. Rien à voir avec Taylor. Non, ce n'est pas. Et c'était pas sur scène pendant le concert. Alors c'était d'une certaine manière un peu sur scène, mais c'est pas sur scène. Des photos? Non, pas des photos. Un truc sale ou pas? C'est pas sale, okay. Non. Est-ce que c'est un bout de l'endroit de. Non. Non. Mais c'est un truc qui a été récupéré là-bas. Ah, donc que quelqu'un du public avait peut-être ramené? Non, ça ne vient pas du public. Mais est-ce que ça a un rapport avec Taylor Swift? Ça n'a aucun rapport avec Taylor Swift, si ce n'est que ça a été récupéré pendant le concert de Taylor Swift. Ah, oui. Le parterre, du parquet ou un truc du genre. Non, mais on s'approche. Un revêtement de sol. Alors. on s'approche. C'est un morceau de quelque chose? Non, pas un morceau. C'est quelque chose qui en soi constitue un tout. C'est un truc en tout cas qu'on a tous. Un ticket. Pas un ticket. Non, on se l'est tous. On a tous été en contact avec ça autour de la table. Et même dans beaucoup d'endroits du monde. Hmm. Pas partout. Ah, le papillomavirus. Presque. Non, pas... Le papillomavirus de Taylor Swift. Du coup. Ouais. Une capote, non? Non, pas quelque une capote. Chose de oui, de tangible, c'est un objet. Regardez, genre une capote. Non, ouais, je pas jusque-là, celui-là quand même. Petit dingo. Mais c'est rigolo la réponse ou pas? En fait, c'est surtout sûrement une immense arnaque. C'est surtout ça. Attends, c'est quelque chose qui leur Donc c'est pas qui leur merch. Promet quelque chose. Non, c'est un truc qui est comment dire qui est tangible, qu'on peut palper, ouais, qu'on peut toucher, qu'on peut regarder. C'est un truc que t'afficherais dans ton salon, quoi. Moi non, et pourtant Dieu sait que j'affiche des merdes. mais complètement oui, tu peux l'afficher chez toi. Et est-ce que ce qu'ils vendent, c'est ce qu'ils prétendent vendre? Alors, ou ça, pas. Est-ce qu'ils mentent? Et c'est impossible de le savoir. D'accord. Est-ce que c'est un mindset? Non. C'est pas des. Ils ont dit, c'est le Mediator du guitariste et tout, et en fait, ils ont. Non, non, c'est pas un objet. Attends, enfin, c'est pas un objet. Tu utilises ton téléphone comme un sous-verre. Ouais. Je trouve ça génial. Très propre. Très propre, ce mec. Ça résiste à l'eau maintenant. C'est super bien fait. Donc, c'est vivant? Non, ce n'est pas vivant. C'est pas un objet, c'est pas vivant. Des vêtements. Mais attends. C'est tangible, mais c'est pas un objet ni vivant. Il s'est passé un truc pendant le concert. Une vidéo. Ah, un pet de Taylor Swift dans un bocal. Bah, je sais pas. Alors, ce n'est pas un pet Taylor Swift dans un bocal, mais c'est dans un bocal. De la pisse ? Alors, pas de la pisse, mais ça approche. On est un peu en bouche. De la merde. La crotte, bon, quoi ? Non, okay. Mais attends, si on s'approche. Un crachat. Tu t'es éloigné avec la merde. On était plus près avec la pisse. Ah, du coup, c'est de la fausse pisse. Ah, de l'eau ? Non. De l'eau, une bouteille d'eau ? Pas une bouteille d'eau. J'ai dit de l'eau. Non, ah. Coca-Cola. Non, de l'eau. De l'eau. Mais pas n'importe quelle eau. Du bain. Non. Non, l'eau de la. C'est... Oui. Oh, je vais vous donner la réponse. Attends. Il s'est passé un truc pendant le concert. Il a plu. De la pluie qui serait tombée. Ah, parce que c'est un concert en plein air. C'est ça. Il y a plu énormément pendant le concert. Et donc, une fan a récupéré la pluie dans un bocal et le vend la coquette somme de $250. Oh là là. Parce que c'est l'eau qui est tombée pendant le concert de Taylor Swift. Parce que, en fait, c'est un concert où il y a tellement plu qu'ils se sont dit bah, ça va valoir de l'argent. Et elle l'a vendu 250 euros de l'eau potentiellement bénite sur Marketplace. Est-ce que tu as une deuxième news sur Taylor Swift ou pas? Non. Parce que j'en ai vu passer une. Ah, c'est quoi? Apparemment, il y a des fans de Taylor Swift qui portent des couches pour adultes pour ne pas rater une seule chanson, quoi. Ah oui, comme au casino là, pour ça, pas lâcher sa machine. Voilà, dessous, tu vas pas tu vas pas aux chiottes, genre, parce que elle veut pas rater une chanson mais en allant aux chiottes. Elle chante longtemps. Bah, je sais pas, ou elles ont des petites vessies, j'en sais rien. Mais elle en porte aussi une pour pas faire d'entracte. Attends, et au casino, ils font ça aussi? Bah, je sais pas s'ils font ça, mais j'ai vu une vidéo qui m'a trop choquée d'une fille hyper belle, classe et tout, qui est en train de se pisser dessus à une machine. Comment ça s'appelle les machines où tu dois avoir trois icônes pareilles? Machine à sous. Le bandit manchot. Quoi? C'est machine à sous qu'on dit? Non, ouais, la machine à sous, c'est à la Le bandit manchot, c'est le truc où tu tires comme ça. Ah, bah c'est ça. Bah c'est ça. Bandit manchot. Et bah, apparemment, plus tu joues, plus t'as de chance que ce soit. Ouais. Que t'arrives au moment où ça gagne. Comme les pinces. Et du coup, elle se pissait dessus sur la vidéo. Ah, et mais comment on sait qu'elle se pisse dessus? Ah, parce qu'on voit. Tu vois, elle a pas de couche, elle. Elle a pas de couche. Okay. Et du coup, je me dis, bah forcément, c'est un truc. C'est pire, je croyais qu'elle avait une couche. Ah non, elle s'est simplement pissée dessus sans aucun elle problème. Elle accepte de se pisser dessus, mais tu sais, elle est en mode poker face, quoi. C'est comme si ça existait pas. Mais là, pour le coup, et je citerai Clément, il y a un mindset. Ouais, c'est vrai. Là, pour le coup, je vois une mineuse, moi, perso. C'est ça, c'est vrai. Mais c'est fou que le casino dise pas. Excusez-moi. Non. Non, non. Il y a des... J'adore votre engagement. On est très riches grâce à vous, mais calmos quand même. Mais vous savez d'ailleurs aussi que les casinos, il n'y a pas de fenêtre. Comme ça, tu ne vois pas le temps passer. Mmh, et c'est comme ça, tu dépenses. Eh oui. Un petit... et je savais pas, on est allé avec. Big up à Big Flo. Oui, on est allé au casino avec Big Flo de Toulouse après le podcast. Il a perdu énormément d'argent. Il a une maladie, malheureusement. Mais il est allé s'allonger pendant 2 mois pour le récupérer. Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il a récupéré sa thune. Mais j'avais découvert qu'il y avait encore des fumoirs dans les casinos. Je savais pas que ça existait encore, quoi. Je croyais qu'ils avaient arrêté les fumoirs, tu vois. Et en fait, non, ça existe encore. Genre dans les casinos, t'as des fumoirs, quoi. Bah, dans les boîtes de nuit aussi, non? Je sais pas, j'y vais. Bah, moi non plus, j'y vais pas, mais je suppose que ça existe toujours. Arrête, t'y vas de ouf, je suis sûr. Ah, si, l'autre fois, il y avait un fumoir. T'y vas tout le temps, en fait. Tout le temps. Non, mais moi, je suis déjà allé à une soirée, genre soirée de fin de tournage, un truc comme ça, dans un bar privatisé. Il y avait des fumoirs il y a pas si longtemps. Ça existe encore, pardon, mais c'est moi, je croyais que ça existait plus. Ignoble. Comme lieu, c'est vraiment. Si je fumais, je pense que j'irais pas là-dedans, quoi. C'est quoi le meilleur concert que vous avez fait de votre vie? Une petite question. Connaître un peu vos goûts musicaux. Oh là là. Moi, je suis allé voir Manowar en Allemagne et c'était très cool. Ah, du métal. Au début, j'ai cru dire Mano. Je fais bon. Non, il est encore dans la blague. Mais, non, c'est un groupe qui a été interdit en France parce que il joue trop fort. Il joue au-delà des standards autorisés. Ah. Et du coup, il faut vraiment y aller avec des boules-caisses plus qu'un casque à son. Bon, nous, on était très loin de la scène. C'est ceux qui s'habillent en homme préhistorique, non? très moulant, ouais. Plus en. Mais y a pas une pochette d'album où ils sont si, avec si, des. Il y en a des, une où il y a un peu des trucs de fourrure, ouais. Ouais, c'est voilà. Ok. Et ça, c'était un concert que t'as adoré? Ouais, j'en ai pas fait un milliard des concerts, mais c'était que des concerts de métal, mais celui-là, j'ai trouvé. Parce que t'aimes cool. bien la zik ou même la mise en scène est cool C'était plus l'anecdote de c'était très fort et j'ai repoussé mes limites. Un mindset encore. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais vraiment un casque de chantier, j'étais ridicule et ça m'a fait rire, pas... Moi, il y a un groupe que j'adore. Et tu faisais, hé, moins fort là. J'y suis allé pour m'indigner. Moi, il y a un groupe que j'adore qui s'appelle Bloodhound Gang. Oui, et pareil, sûr. Ils sont interdits de jouer en France, mais eux, pour une toute autre raison, ils ont pissé sur le public. Bah, j'allais dire ça littéralement. Ah ouais ? J'allais dire pisser. Bah, ouais, bon, après, c'est le réflexe. Hein. Ils ont. En fait, c'est un peu de la. Alors. Ils l'ont fait en France et ouais, du coup ils se sont fait virer. Ils l'ont fait au Zénith, en fait. C'est un mélange de hip-hop, de rock. C'est assez bizarre, Bloodhound Gang. En vrai, c'est un peu rigolo. Et oh, ils t'ont pissé dessus quoi. Moi non, j'y suis jamais allé. Ah oui, d'accord, les voir. Je voulais aller les voir et j'ai appris qu'ils étaient interdits en France parce qu'au Zénith, ils ont pissé sur les gens, machin. Et du coup, ils sont puis, interdits de concert. Là, maintenant, ils ont 60 ans, je pense quand même. Je pense qu'ils sont vieux maintenant. Ah, oh, la piste de vieux là. Ah, si je veux la piste de vieux, je vais voir mon grand-père. Hein, je me fais pas chier. Bien, bien brune là, comme du thé. Du tesser. Du tesser de vieux. Moi je sais pas hein, non. Franchement ouais, bah, moi non plus j'ai vu pas très concert aussi. T'as vu les Beastie Boys? J'ai vu les Beastie Boys. Pas mal hein. Mais pareil non, ils étaient pas trop vieux. Non bah moi ah, oui, c'était il y a longtemps. J'avais oui. 15 ans je pense. Ah oui d'accord ça. Et ah, donc ils étaient à leur prime en plus. Et en plus il y avait Asian Dub Foundation en première partie. Bon ça je m'en foutais un peu. Mais il y avait Fatboy Slim aussi en première partie. Puis les Beastie Boys, donc c'était pas mal. Ils ont fait, j'ai oublié la chanson. Ils ont fait une chanson avec Fatboy Slim et Beastie Boys. Body Movin'. Oui, tout à fait. Body Movin'. Et le dernier concert que vous avez fait. Camille, bon, Camille déteste les concerts. Non, moi, je n'aime pas du tout les concerts, moi non plus. Ah bon attendez, parlons de ça plutôt. Alors, pourquoi t'aimes pas les concerts? C'est genre tous les trucs, il y a du monde, il y a du bruit. Non, il y a l'attente, le monde. Alors, imagine, je te dis, j'ai des places VIP, il n'y a pas d'attente. On arrive pile à peu près quand ça commence et on est à la cool. Non, mais en fait, j'aime bien, je pense, les petits concerts. Oui. Ouais. Gros concerts, bof. Moi, non, les concerts de la fête de la musique, par exemple. Vous êtes plus dans cette ambiance. Oh, non. Quel enfer. Non, parce que ce qui me fait ne plus aller en concert, c'est les téléphones. Vraiment, ah ouais, c'est insupportable. Ah ouais, ah ouais, je comprends. Ah, et que les gens filment et qu'ils obstruent la vue de plein de gens avec une image en plus petit. Enfin, je sais pas, c'est horrible les téléphones. On les a, on est accro déjà. Lâchez-le, quoi. Alors, là, moi, je te rejoins parce que je suis allé voir Bruce Springsteen récemment, que j'ai adoré. Qui est tout jeune lui par contre. Non mais qui par contre en vrai de vrai, c'est impressionnant. Moi je vais beaucoup voir des vieux parce que j'ai un peu ce truc de vouloir voir des artistes avant qu'ils meurent. Et souvent du après coup, quand je... tu vas à un concert, c'est toujours avant qu'ils meurent. Ah non, qu'il meurt. Mais alors, il est fort, il prend mes phrases. Bah, j'espère, sinon c'est un très bizarre concert. Un concert où le son n'est pas fort du tout par concert contre. Concert de Tupac en hologramme. Et donc non mais par contre impressionnant parce qu'il a genre 75 ans et vraiment il en voit de ouf quoi. Bref, il y a un gars devant moi qui filmait, mais en fait c'était même complètement dingue parce que moi ça me va si tu filmes une entrée ou un bout d'une chanson que t'aimes bien ou machin. Lui à un moment, ça, je regarde le petit minuteur en haut, 8 minutes 25, il a filmé 3 chansons d'affilée jusqu'à ce que je lui demande d'arrêter. Malheureusement j'ai été ce gars. Et il y avait un autre gars un peu plus loin qui lui appelait en FaceTime des gens et c'était très marrant parce que c'est un peu mignon. Oui, c'est un peu mignon. C'est un peu mignon, mais du coup tu vois les gens. Pas beaucoup réagir en fait, tu vois, parce que je pense que le son est nul. Bah, c'est donc horrible. Ils sont vraiment dans leur canal comme ça. Et vu que c'est FaceTime, moi je voyais l'image de ces gens qui se faisaient chier. Bah oui, qu'ose pas dire par politesse, mec, c'est à chier vraiment. C'est vraiment... Je n'aime même pas Bruce Springsteen. Attends, le son, ça me. Tu vois, j'entends rien de ce qu'il chante quoi. Je connais une chanson de lui comme tout le monde. Il l'a fait qu'à la fin, donc avant. Donc ouais, non, ça c'était pas dingue. Moi je comprends pas l'intérêt des concerts au Stade de France. Ah ouais, parce que c'est très loin. Mais ouais, pareil. tu le vois en tout petit comme ça. Et du coup, tu le vois sur les écrans. Du coup, j'ai mieux vu le concert sur Instagram que toi. C'est quoi. Ça. Ouais. Moi, quand je vois toutes les stories au concert de Beyoncé, là, bon, déjà, j'aime pas spécialement Beyoncé. Enfin, je m'en fous quoi. C'est et plus ou moins sexiste, mais. Ouais. C'est ça. Et raciste également. Je le rappelle. Mais quand je voyais, c'est vrai, comme tu disais, je me disais, vous avez regardé le concert sur un sur écran, quoi. Ouais. Enfin, et après, y a... vous avouerez. Y a je me fais l'avocat du diable un petit peu. Non, mais il y a pas de. C'est juste un peu. Enfin, je vais répondre à des câbles. Bah, tu vas au cirque Pimbert. Même si elle vole, tu la vois s'envoler, mais en tout petit. Tu vois. Sauf si elle vole très près de chaque personne. Elle passe devant comme ça, à 20 cm. Très bon spectacle. Salut. Très bon spectacle. Ça là d'accord. Ouais. Ça prend 30 minutes parce que c'est un très grand stade et tout. Il fait salut, pardon, excusez-moi. Hop, ah non, touchez pas les pieds, touchez pas. Non mais ceci étant, t'as des groupes de stades où justement le. Moi j'avais vu pourtant un groupe dont je suis pas spécialement fan, mais ma meuf aimait beaucoup Coldplay. Et Coldplay, il y a un truc assez chouette, parce que c'est vraiment des chansons de stade où le public fait des hymnes chœurs, un peu, quoi. Oui. Exactement. Et ils font un truc très malin, Coldplay, c'est que quand tu rentres, t'as un bracelet qui clignote. Et qui sont tous connectés entre eux. Du coup, tout le stade fait des mouvements de lumière, oui, de trucs. Il y avait ça. Au... J'étais allé au concert de Big Flo et Lee, mais le truc qu'ils avaient fait pour la sortie de leur album, un truc un peu spécial. Et il y avait ça. Il y avait les. Et ça c'est vrai que c'est un petit truc, ça. Bon après. C'est... Pour moi, ça ne vaut pas le coup quand même. Même s'il y a des brassages, je fais oui, bon, je suis loin. Je suis loin, c'est trop long. Mais récemment, ouais, je me suis fait un concert à l'Olympia et j'avais fait pas mal de trucs effectivement dans des Bercy ou des trucs comme ça. Et j'ai fait oh, mais en fait, oui, on peut voir un artiste de très près dans une salle de concert. Enfin, j'avais oublié que vraiment, des fois, t'as s'il est pas trop connu, quoi. Beyoncé, ça arrivera plus jamais. Beyoncé, il y a peu de chance. Il y a peu de chance qu'elle fasse l'Olympia. Je pense que j'ai fait d'autres concerts que j'ai préférés, mais je m'en rappelle plus. Et s'ils reviennent avant la fin de l'émission, n'hésite pas à nous le dire. Pour le week-end de la Pentecôte, une famille du nord de la France a tenu à célébrer leur clan. À votre avis, comment? Attends, leur clan? Oui, enfin, la famille, quoi, oui, leur okay. famille. Ah d'accord. J'utilise des petits synonymes parfois. En faisant une sex tape. Moi j'allais dire une blackface. Non. Je sais pas pourquoi, mais. Eh bien, vous avez tous les deux raison. Vous voulez lui rendre hommage à la sex tape de Kim Kardashian. Non, ce n'est pas une sex tape, ce n'est pas une blackface. C'est qu'on enlève deux grosses réponses. Est-ce que c'est quelque chose d'un peu problématique? Non, pas du tout, pas du tout. C'est juste complètement dingue. Voire fou. Un feu d'artifice. Non. Une rêve partie? Non, pas une rêve partie, pas un feu d'artifice. Ils ont pris de la MDMA. Non, pas de chemsex. C'est une activité. Cousinade. C'est lié à la Pentecôte. Alors, c'est une cousinade. Est-ce que tu peux dire aux gens ce qu'est une cousinade? Hein? Est-ce que tu peux dire aux gens ce qu'est une cousinade? Ah, bah, c'est une réunion de famille un peu géante, un peu exceptionnelle, où tout le monde, tous les cousins se réunissent. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette cousinade? C'est la plus grande du monde. Ils étaient genre 500 ou. C'était le nombre? Voilà, c'est le nombre. Alors, je vais vous donner le chiffre, parce que c'est plus de 500. Ah ouais. C'est votre avis, c'est combien? Mais il y avait que 30 personnes parce que c'est dans le nord. Non, c'est 825 membres. Oh là là, et on a alors le nom de famille Alors, un peu gros, racine. Ça vient de la famille de Charles Louis Desfontaines et Louise Maes. C'est tout ce qu'on sait. Et après, il y a le rappeur. Bah, ça vient du D'accord. rappeur. Et il y avait la madrina qui était présente, j'imagine. Ils ont réuni tous les cousins. Le plus jeune a seulement quelques jours et la plus vieille a 97 ans. Cette famille se réunit tous les 4 ans pour une réunion XXL. C'est BFM qui raconte ça. Donc c'était un souhait de ce couple, Charles-Louis Desfontaines et Louis Maes, en 1898. Ils avaient écrit deux fois l'an chez chacun le plus longtemps possible qu'ils restent toujours bien unis. Pas de désaccord, c'est notre vœu le plus cher. Si l'un d'eux a la misère, qu'on lui vienne en aide. C'est seulement ainsi qu'on est fort. Ça, c'est je plains le mec qui devait préparer le taboulé. Bah en fait, c'est ce qu'ils expliquent, c'est qu'en gros, c'est vraiment le... Enfin, c'est énorme à organiser, 825 personnes. Ah, c'était le genre de truc où ils disent chacun amène un truc à manger et à boire. Bah, ce que vous tu n'as rien organisé, excuse-moi, mais si tout le monde doit amener à bouffer et à boire. Il y a genre 50 houmous. C'est plus d'une année de travail car nous mettons un point d'honneur à ce que toutes les tranches d'âge aient des activités dédiées, a confié Éric Lambellin, organisateur et descendant de la 3ème génération. Atelier de maquillage, jeux gonflables, petits trains, tournois de foot et même ping-pong. Ah ouais. Le choix d'activité est varié et parfait pour les plus jeunes. Bien sûr. Incroyable quand même. Bravo. Ce truc. Moi, je savais même pas que ça existait, les cousinades. Ah ouais. Moi, on appelle ça un repas de famille, on était déjà 20, ce qui était déjà énorme, je trouvais. Et ouais. Non, c'est pas dans ma famille qu'on ferait ça. Ah, ouais, vous êtes pas là, des grands dîners, des trucs comme ça, vous? Non, c'est plus personne ne se parle. Oui, ouais, d'accord. Ouais, ça aussi. Ouais, mort ou on se parle pas, donc c'est moyen. Mais on gagne un temps fou, hein, c'est quand même dingue hein, ces trucs-là. Ouais, c'est ça. Je vais voir le foot chez mon frère et on est presque au max, quasiment, de ce qui est possible. Non, mais c'est pas un truc même que vous aimiez peut-être plus jeune ou des trucs comme ça. Moi, les grands dîners, j'ai toujours des souvenirs de. J'ai souvenir d'avoir fait un repas de famille comme ça avec beaucoup de monde et. Vraiment, j'étais gosse et j'en avais rien à foutre. Je connaissais personne. Oui. Bah, quand t'es petit, ça va. Quand t'es enfant, c'est cool. Marrant, tu fais des aventures dans le jardin et tout. Non, quand j'étais petit, bof, pas trop. Mais j'étais peut-être trop grand déjà. C'est peut-être dans la préadolescence où tu joues plus trop dans le jardin et tout. Donc, puis cousins, j'étais un peu timide aussi. Moi, j'étais super pote avec mon cousin enfant. Et je trouve qu'il y a le truc horrible de tu grandis, tu fais ah, on ne devient pas les mêmes gens, tu vois. Genre. Oui, bah dès que tu fais les premiers choix de la vie, en fait, tu vois la c'est différence. Horrible. Ouais. Mais même dès l'adolescence, des fois, tu dis oh là là, ça y est, j'ai plus. En fait, on n'est pas. C'est des fêtes de famille ou quoi? C'est un peu c'est ça, j'ai l'impression. Une pizzeria propose une offre surprenante. À votre avis, laquelle? Une euthanasie gratuite. La pizza euthanasie. Une pizza achetée, 8 offertes. Non. Une pizza. Il croyait dur comme fer. Je suis dégoûté. On vire un employé. Non. Est-ce que c'est quelque chose genre avec ta pizza, t'as un truc en plus? Non. T'as un truc t'as un truc en c'est moi. C'est la forme de la pizza. C'est pas la forme de la pizza. J'ai eu un truc très triste la dernière fois. Je suis allé à Domino's Pizza seul. Bah ça suffit, c'est bon. Non, mais c'est mes préférés, hélas. Et donc j'y vais. C'est et quoi ta préf la... Non, la margarita basique. En fait, ah, c'est vrai. En fait, moi j'aime bien la pizza margarita sans rien. Donc je bien celle de Domino's parce qu'au moins elle est généreuse. Donc en fait, j'ai pas besoin que ce soit une très bonne pizza parce que c'est juste du fromage sur de la pâte, quoi. Je m'en fous. C'est un placement produit, juste je veux savoir. Non. Non, ouais. Mais tu sais qu'avec GhostVPN, par contre, on peut avoir. CyberGhost. Ah oui, CyberGhost. Pardon. Sur 7 appareils différents. Je vous dis, hein, si t'as 2-3 infos dessus, t'hésites pas. Hein. oui, et donc j'ai dit, je peux la manger ici. Point d'interrogation. Et le gars de Domino's Pizza m'a dit, pourquoi faire? Et j'ai dit, bah parce que c'est pas pratique, sinon je la mange dehors. Il fait, ah bah oui. Oui, debout là, debout, debout devant moi. Oui, oui. Avait, c'était pas un restaurant, il y avait pas de table. Si, il y avait un petit bout de table et de chaise, mais je sens que c'était plutôt pour les gens qui attendent, oui. Que plutôt vraiment consommer, puisque ce qui me fait dire ça, c'est que le carton à pizza était plus grand que la table. Il dépassait un petit peu. Mais non, j'ai un peu adoré. Mais je le suis sur Insta, ce gars, et il t'a posté en story. Hein. <C'est> un wad. Avec écrit pauvre vieux. Aidez-le. Il prétend avoir écrit la flamme. Oui, c'est ça, je suis un vieux fou. Ouais, j'ai écrit bloqué à une époque. Je viens de finir mon long métrage, oui, monsieur. Oui. Je connais José Garcia. Ouais. Ouais, vous jetterez le carton dans la poubelle quand même. Hein. Enfin, sauf si vous en avez besoin pour votre domicile. Mais tu sais qu'en plus, c'est vraiment le truc depuis que je suis papa. C'est vraiment mes petits trucs de liberté que j'adore un peu, quoi. De dire, oh, je suis tout seul dans une petite pizzeria et je mange ma pizza. Non, mais j'aime bien, je me retrouve seul avec moi-même, c'est assez agréable. Hein. Ouais. Bon, c'est triste, c'est ça? Non, pas du tout. Non, ce qui est triste, c'est que ces petits moments, c'est ma vie. C'est plus ça qui est triste, quoi. De temps en temps, je me. Voilà, un petit truc de solitude, oui. Moi, c'est l'inverse, des petits moments où je vois des gens. C'est cool que tu. Que ma vie soit une attraction. Ça rappelle un peu les vraies choses, quoi. Oui, voilà, tout ce que tu pourrais. Le fossé dans lequel tu pourrais être, quoi, c'est ça que je veux dire. Ouais, je vois bien. Heureusement, j'y vais que quelques minutes. Oui, hein, oui. Oh, sinon, mais c'est un peu comme faire le train fantôme, tu vois. Tu fais ouh, j'ai eu peur, le retour à la vie normale. Imagine, c'est ça tout le temps. Ouais, imagine. Oh, l'enfer. Donc, c'est pas ça. C'est pas la fin de la pizza, c'est pas la pizza en plus offerte. Un ingrédient. C'est pas un ingrédient. Non. L'huile piquante? Ah, ce n'est pas de l'huile piquante. Attends, cherche, c'est quoi? C'est une promotion qu'on cherche? C'est pas une promotion. C'est une offre. C'est une offre. C'est une offre, une offre. Ah, est-ce une activité en plus? Alors, une danse offerte. Une danse TikTok. J'allais dire un truc dans genre un chant ou genre le livreur te chante ta pizza ou un truc comme ça. Non. Est-ce que c'est le livreur qui fait quelque chose? Non. Est-ce que c'est une prestation sur place quand tu prends ta pizza? Enfin, je veux dire. Alors, d'une certaine manière, mais c'est pas une prestation de la pizzeria. La pizzeria ne fait rien. Ah, la pizza, c'est un partenariat avec un autre. Non, c'est pas un partenariat. C'est pas un petit cadeau. C'est un cadeau. C'est pas un cadeau d'une certaine manière. Non, mais comme le Happy Meal, quoi, c'est tu repars avec un jeu. Non, c'est pas. Mais attends, la pizzeria ne fait rien. Bah, la pizzeria ne fait pas une danse, une chanson. Ah, d'accord. Est-ce qu'ils te font ton visage sur la pizza, un truc comme ça? Non, mais tu vois. Comme les trucs de café. En fromage. C'est ça. Les trucs de café, mais sur une pizza. Mais incroyable cette idée. Un peu marrant quand même. Ouais, un peu. Pas mal. Ils le faire. Non, mais ou alors même un message, tu vois. Ils le font sur des gâteaux. En anchois. Ouais, c'est ça. Les ingrédients seraient mal répartis sur la pizza. Moi, j'aime pas trop l'idée. Mais bon. Non, mais ils pourraient, tu vois, avec un petit truc à fromage, oui, faire un dessin par-dessus. Mais quoi, je suis sûr. Attends, bon, allez-y, cherchez. Non, regardez. Create a face on a pizza, j'ai tapé. Pizza custom. Bon, c'est une tristesse abyssale. Est-ce que c'est sur la pizza en elle-même? Ce n'est pas sur la pizza en elle-même. C'est un petit truc en plus. C'est un truc qui te permet de peut-être. Regardez-moi ça. Je pense que c'est fake, mais c'est un peu marrant. Ah ouais, c'est vraiment fake, ouais. Ouais, d'accord. Non, écoutez, ça permet. Ah, mais le problème, c'est que si je vous donne un indice, je vous donne. Il te la prédécoupe. Je vais vous donner un contexte. Simplement. Oui. C'est un truc qu'ils ont lancé, la chaîne Hell Pizza. Hell, l'enfer. Et c'est une offre qui va être offerte à 666 participants. Et donc, c'est le diable. Alors, c'est pas le diable, mais c'est lié un peu à la mort. Elle est en pain noir là. Comme non. Les elle est empoisonnée. Ah, comme le burger du Dark Vador. Dark Vador, ouais. Bien sûr. Une pizza empoisonnée dans le lot. Très bonne. C'est ça. Non, non, elle est servie dans un. Ah, c'est hyper un piquant. Non, c'est pas hyper piquant. Elle est servie dans un petit cercueil. Non. Non, mais une boîte à pizza. Ah oui, en une de boîte cercueil, en cercueil. Quoi. Ah, c'est hyper cool. C'est hyper mignon. Ouais. C'est mignon. Oh, attends, Tim Burton là. Non, c'est pas ça. Oui. Est-ce qu'il y a, c'est un peu, il y a un côté un petit peu décoratif, non, un petit peu. Non, ça n'a rien à voir avec la déco. C'est lié à la mort. C'est parfaitement lié à la mort. Ah, pizza gratuite pour un enterrement. Alors, tu t'approches. Tu files un certificat de décès et ils t'offrent une pizza. Alors, c'est presque ça. J'ai envie de te l'accorder. C'est pas. Attends, c'est un truc lié à l'enterrement. Non, c'est vraiment lié à la mort. La mort d'un proche. Mort et payé. Non. Tu peux payer d'une certaine manière. Ouais. Tu peux payer en larmes de après avoir perdu un proche. Le bocaux de Taylor Swift, mais rempli de larmes ouais. humaines. Attends, tu peux payer d'une certaine manière. Tu peux payer à une certaine date surtout. Ah, ah l'anniversaire de la mort de quelqu'un. Alors non. La... Plus largement. De ton anniversaire. Le attends. Je vais vous donner la réponse. Non non. Attends, si. Attends, de la mort du fondateur peut-être. Non non non, non, non. C'est est-ce que c'est le jour de la mort de quelqu'un? Non. C'est une Halloween? Non. C'est une date. Qui a un sens? Non, c'est une date qu'on peut même pas deviner en vrai. Ah oui. Donc c'est eux c'est qui dur, décident hein. de cette date. C'est non, la pizzeria. C'est la vie qui décide de cette date. C'est une date fixe ou c'est une date propre à chacun? Ah, propre à chacun. Si t'es mort. Si tu meurs ce jour-là, ils te remboursent la pizza. Alors, c'est mieux ce que t'as dit, mais c'est quasiment ça. C'est, tu achètes une pizza, mais tu la payes après ta mort. C'est-à-dire que tu dois mettre sur ton testament que tu dois payer ta pizza, mais tu l'as. Donc, ils te donnent une pizza, entre guillemets, gratuite, mais tu t'engages à payer la pizza après ta mort. C'est nul à chier, non ouais. C'est hyper protocolaire. Bah oui, non, mais il y a. En enfin, plus, tu dois télécharger un serfa. Oui, c'est nul quoi, c'est hyper administratif, c'est nul. Et puis en plus, au final, tu payes quoi. Ouais. Enfin, sauf s'ils font faillite avant que tu meurs. Inspiré du fameux procédé buy now, pay later, acheter maintenant, payer plus tard. Sauf que dans ce cas-là, plus tard, il faut comprendre, beaucoup plus tard, même post-mortem, les clients qui optent pour cette possibilité doivent signer une convention dans laquelle ils s'engagent à payer par legs testamentaires leur pizza. Tout le monde ne pourra sûrement pas profiter de cette offre puisque ce sera un tirage au sort effectué parmi les personnes qui sont inscrites sur internet. Au total 666 heureux élus pourront tester le Afterlife mais pay. En plus profiter de rien parce que tu payes, ça je comprends pas. Oui mais je pense que c'est surtout l'effet d'annonce Adrien. Ouais, mais si oui, tu oui, s'abordes mais... juste avant de crever et tu dépenses tout bah tu la paieras pas. Tu te mets en faillite personnelle. Non, mais, oui, mais c'est ça, ça c'est non, ça mais... ouais. Non, est-ce, que si, est-ce que c'est comme les testaments, genre si t'es en faillite, ils doivent eux rembourser des trucs? Non, c'est terrible pour tes enfants, tu leur lègues cette dette vont... de pizza. Est-ce qu'ils vont aller réclamer dans des familles en deuil? C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça. Bon, je suis désolé. Il avait pris une quatre fromages. Mais il ouais. nous a pas payé la pizza. Hein. La, ouais, la bacon groovy, c'était. Bah... C'est un peu badant parce qu'effectivement c'est un gosse et il est mort 5 jours après avoir acheté la pizza. Bon, ok, mais. Bah oui, c'est ça, c'est il ça. Il avait de l'argent faire. De poche, peut-être. Il avait, je sais pas. C'est du viager de pizza. Ils espèrent qu'une chose, c'est que leur client meurt. En fait. Je pense que c'est un peu ça. Effectivement, sinon, il faut attendre qu'elle soit en faillite, quoi. Mais bah, non, ouais, je mais pense. Du viager de pizza, pas mal. Je suis d'accord qu'il y a un côté, genre, tu fais chier à remplir un truc pour finalement payer quand même, quoi. Donc t'as aucun intérêt à le faire. Je pense que d'une certaine manière, c'est pizza gratuite. Attends, je pense, oui. bah, j'espère j'ai une bien. Idée qui vient en tête, mais est-ce qu'ils auraient fait ça pour le buzz? Alors, il faut quand même rappeler. Tu vois le mal partout. Hein. Non, pour rappeler aux auditeurs, Babor fait des enquêtes régulièrement. Ouais. Donc il a un peu toujours son nez, un peu qui fouine c'est un petit peu. Des formations professionnelles. On parle d'un homme qui a eu des procès, donc voilà, c'est pour ça. N'ayez pas peur, voilà. C'est son truc. C'est un peu le Élise Lucet d'Internet. Il y a un souci avec le drapeau du Vatican depuis 2017. À votre avis, lequel? Il n'y en a pas. Oh, t'imagines le truc si... Il a violé un enfant. Non, pas le drapeau. Il ressemble à un autre drapeau. Non. Il y a un texte dessus. Il n'y a pas de. Alors attends, je vais vérifier, mais c'est... en tout non, cas, c'est pas lié ça. À ça. Non. Parce qu'il y a un truc qui symboliquement, ça leur était passé à travers et en fait, non. ça veut dire quelque chose de pas bien. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à autre chose? Non, en gros, c'est plutôt un truc par rapport au fait que des gens font du commerce avec ce drapeau. Et Il est pas déposé, du coup les gens peuvent le marchander avec, enfin faire des alors, mugs et des trucs. C'est pas ça. D'ailleurs, je pense qu'en vérité, ça tu peux un peu le faire de tous les drapeaux. Ah, ouais. Je sais pas s'ils sont déposés les drapeaux. Ouais, je sais pas. Ou alors tu vois, c'est à dire que tous les gens qui vendent des petites mugs avec le drapeau anglais, ils devraient payer, ce qui me surprendrait quand même. Oui, en plus je vois pas qui. Ouais, à qui tu donnes l'argent. Mais Macron peut-être. Oh, pff, oh allez, non mais c'est bon. Tu vas arrêter, oui. Eh, peut-être qu'on pourra prendre notre retraite plus tôt si on lui donne de l'argent avec ça. Non, je suis mais désolé, pas. On vous met dans une sauce là tous les deux ouais, parce que vous êtes dans la nation là. Non, c'est un souci d'ordre. C'est-à-dire que c'est pas vraiment le Vatican qui fait l'erreur, c'est les gens autour. Ils le confondent avec autre chose. Alors, oui. Je sais pas à quoi il ressemble le drapeau du Vatican. Alors, je savais pas non plus, hein, pour être tout à fait honnête. Et si on le voit, on a la réponse, j'imagine. Alors, non, je peux vous le montrer. Je peux vous le montrer. Ok. Regardez. Le drapeau il ressemble à ça, donc en gros pour le décrire il y a une moitié jaune et l'autre moitié c'est deux clés avec une couronne de pape. J'imagine que c'est, ça doit pas être le vrai nom hein, je sais pas. Couronne de pape quoi. Couronne de pape ouais. Puis un petit deux sceptres de pape croisés quoi. Un durag de pape. Oui. Et puis de toute façon c'est, la couleur c'est jaune pape hein, donc, ouais. Et Et donc les gens confondent ce drapeau avec autre chose. Exactement. Avec le Real de Madrid. C'est vrai, non, je sais pas. Ah, c'est pas con. Avec un truc de foot. Mais c'est autre chose de non. connu. C'est quelque chose non, de. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Ah, un truc de Game of Thrones ou non. Non, la réponse va vous décevoir. Hein. Je suis désolé. Je vais vous donner la réponse. Ok. Bon. Bah non, vraiment. Parce que j'ai pas envie de toutes vos réponses sont mieux. Toutes vos réponses sont mieux. En fait, c'est juste que à cause de Wikipédia, Wikipédia a publié un mauvais drapeau du Vatican. Et donc toutes les boutiques, tous les trucs et même des trucs officiels ont imprimé des mauvais drapeaux du Vatican. Bah attends, ils impriment depuis Wikipédia, les mecs. Et apparemment, ils s'inspirent de Wikipédia. Ah, bien fait pour eux. Des fournisseurs et des entreprises se sont basés là-dessus pour fabriquer les drapeaux qui sont, du coup, tous faux. L'erreur a été rectifiée depuis. Tu vois qu'il y a des trucs faux sur Wikipédia, c'est comme vrai, ton truc de coca tout à l'heure. Oh. Oh là là. Allez. Mais ils sont. Dans mon caca. Ils sont vraiment différents, les drapeaux ? Bah non, pas vraiment, franchement. Il y a un détail. Il y a le pape qui dabe sur le drapeau. Un cabinet d'avocats a révélé la cause de divorce la plus fréquente en 2023. Je vous demande laquelle. Netflix. Non. Les odeurs. J'ai juste un mot-clé. Si t'as des messages à faire passer dans cette émission, je n'hésite pas, Camille. Les odeurs corporelles. Non. Les jeux vidéo. Pas les jeux vidéo. J'y pensais. Là, c'est personnel. Un peu plus large, quand même. Un peu plus large. C'est la cause numéro 1 de divorce, quand même. Mésentente. Alors, pas la tromperie, la tromperie est deuxième. Un désaccord majeur sur non, quelque chose. Non, pas spécialement. Je cherche très large. C'est oui. pas les violences, du coup. Ce non, serait c'est pas les fun. Violences. Ça serait pas, ouais. Ouais, c'est pas fun. Et non. Oui, c'est ça. Bien joué. Alors. Ah, trop marrant. Alors, vous, comment ça c'est gênant. C'est quelque chose qui est un sujet qui revient assez régulièrement, de plus en plus dans la société, en tout cas. Que les femmes gagnent plus. Non. Ah. Non. C'est alors, c'est lié aux femmes, d'une certaine manière. Déjà, il faut savoir que 75% des demandes de divorce. Évidemment dans les couples hétérosexuels. La répartition c'est la grande des tâches, charge mentale. Très bonne réponse. Ah là, oui. Je suis parfaitement déconstruit. Bah, je sais. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que tu es venu avec plein de gravats qui sont un peu tombés au sol. C'est parce que tu es parfaitement. Je suis désolé. Je passerai l'aspi avant. Ah oh, là là. C'est vraiment déconstruit. Jusqu'à Z. Putain, c'est incroyable. C'est effectivement, c'est la charge mentale, la fatigue, le fait de devoir gérer travail plus tâches ménagères, de ne pas se sentir soutenu. Tout ça entraînerait une volonté de divorce. Donc l'infidélité se tient également en haut des marches en France. Les chiffres des cabinets d'avocats annoncent que... Ouais, donc l'infidélité, pardon, c'est un tiers. Il y a également l'égoïsme avec 22%. Bon, le manque être... de respect. C'est l'inverse parfait des trucs Tinder de tout à l'heure. C'est ça. C'est ça. Mauvais caractère, comportement abusif, donc je pense qu'on se rapproche un peu des violences, ou encore les désaccords concernant l'avenir qui représentent chacun 15% des divorces, des causes de divorce. Est-ce que vous, dans les diverses relations de couple actuelles ou passées, est-ce qu'il y a un sujet qui revenait, un truc... que vous supportiez pas, ou à l'inverse, le truc relou qui agaçait votre compagne, compagnon. Par exemple, moi, par exemple, je me lance en premier, c'est pour déblayer le terrain et que tout le monde se sente à l'aise. Non, moi, par exemple, je fais des tâches ménagères, mais j'ai un peu trop besoin qu'on le notifie, par exemple. J'aime bien. Ah, oui, tu veux ton cookie. Je veux mon cookie. Mais c'est vrai que tu m'as même fait le coup la dernière fois. Mais j'ai un vrai problème avec ça. Je suis arrivé ici, il avait fait le ménage, il a fait j'ai fait le ménage, t'as vu, il est pas mal, hein. Je fais bah dis donc, non, oui, non, t'es un adulte, ça s'appelle. Parce que tu gueules tout le temps, parce qu'il y a des poils de chat, et tu fais oh ton chat, il est non, non, non. Et donc j'ai dit regarde, j'ai tout. Mais je suis sûr que si. Mais quelle ordure, quelle mauvaise foi. Et donc, moi j'aime bien, pas qu'on me dise bravo Florent, t'es le meilleur, mais juste genre ah cool, c'est fait. Voilà. Ouais. Et en vrai, c'est un peu relou parce qu'effectivement, bien je sûr. Suis un adulte et je suis pas censé commander le bravo. Mais en même temps, quand on me dit qu'est-ce qu'il y a, tu veux une médaille, bah ça me fait péter un câble. Genre, pas une médaille, mais en chocolat quoi. Ouais. Je viens de passer une heure à tout nettoyer, à faire la vaisselle, donc voilà, peut-être juste un petit c'est cool, voilà. Oh. Bon, ça vous a pas aidé à parler, hein. Je suis juste. Non, moi il y avait un truc qui était. Enfin, je vais juste dire les choses qui exaspéraient mon ex. Il y avait le fait que je voulais jamais sortir, qui était très chiant. Ouais. Et le fait que c'était un calvaire d'organiser les vacances avec moi parce que j'ai beaucoup de mal, je n'arrive pas à organiser les choses trop à l'avance. Okay. Et du coup, c'était à chaque fois je disais oui, on va en parler et tout machin. Ouais. Et disait oui, non, mais si on veut partir en vacances, c'est maintenant et tout. Et c'était ça, c'est les sujets qui sont revenus. Voilà, nous sommes séparés depuis. Moi, j'ai un peu ça aussi, mais moi pour moi, c'est plus le côté où on veut pas vraiment faire les mêmes vacances. C'est-à-dire, est-ce que toi, c'était par flemme, ou en tout cas, oui, on va s'en occuper non, plus tard. Non, c'est pas flemme, je pense que c'est. Blocage. Non, mais parce que oui, moi j'aime bien les vacances. Je vais chez le psy en ce moment pour, voir, pour essayer de voir ce que c'est exactement. Non, mais parce que moi j'aime bien les vacances où, justement, on fait pas grand chose, par exemple. J'aime bien, on est dans un hôtel et il y a une piscine, et donc pour moi c'est ça. Alors qu'elle, elle va me dire, non, faut organiser plein de trucs. Les musées, on va voir les trucs. Le musée Harry Potter de cette ville, le musée Harry Potter de cette ville, le gift shop Harry Potter de. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est plus une volonté de ma part de rien foutre et elle une volonté de sa part de faire plein de trucs. C'est un non non moi c'était pas ça okay. parce qu'on avait à peu près les mêmes, on avait même plutôt les mêmes goûts en termes de destination d'activité et tout moi ouais. c'était juste un okay. blocage sur l'organisation des vacances à l'avance quoi. Toi Clément? Moi j'ai oublié toutes les autres femmes depuis que j'ai rencontré Camille non moi un truc qu'est-ce que tu trouves insupportable chez Camille? Non moi ce qui me saoulait c'était de devoir j'ai une ex qui voulait faire tout le temps des petits week-ends mais tu sais des week-ends courts alors que moi autant j'aime bien faire un gros voyage de, voilà 2-3 semaines mais les petits week-ends aller à Naples pour 2 jours partir le vendredi revenir le dimanche midi ça me cassait un peu les couilles et voilà je suis dans ta team un petit peu je suis un peu dans le truc ouais. j'aime bien rentabiliser le trajet le machin non, même pas en argent mais juste en ouais voilà me poser un peu dans le truc si tu fais autant de trains que de séjours c'est ça t'as l'impression de pas te reposer du coup de pas profiter. Mais j'avais l'impression que ça cassait, enfin qu'il fallait casser la routine absolument en faisant ce genre de petits week-ends, de petits trucs, et voilà, c'était une spirale infernale de petits week-ends. Il fallait casser la routine, voilà, comme Samuel Umtiti d'ailleurs, qui lui casse, il a cassé la routine. Bah, la démarche en priorité, mais il casse aussi la routine. Toi Camille? Je réfléchissais à un truc pas trop deep. Pour l'instant, de rester un peu légère. Ouais, j'avais un ex qui tenait un peu à avoir une vie de daron avant l'heure. je sais pas, il fallait toujours manger de la soupe. Non, mais manger à table, que ce soit un moment comme si on était une famille avec des enfants, quoi. Ah, vous étiez que tous les deux? Ouais. Et il fallait qu'on fasse les courses ensemble. On s'organisait petit à petit une vie de daron. Ouais, fallait un labrador et un monospace. Ouais, alors ouais, on avait, je sais pas, 23 ou 24 ans, enfin ouais. pas du tout l'âge de manger à table, de mettre la table. Ah, il y avait un truc qui me. Je me voyais mourir en fait. Oui, il y avait un côté Desperitos Wife, quoi. Oui, oui, ouais, j'aimais pas du tout ça. Prière, regarder le général de Gaulle à la télé. C'est en couleur, pas mal, mais oh. Ça m'a rassuré que tu dises que t'avais 23 ans parce que j'étais. Ah bah moi c'est attention c'est le paradis pour moi ce que t'es en train de dire. Moi quand on a acheté cette table là ma vie a changé. Moi aussi je rêve d'une table pour dîner. Ouais. Maintenant. Pour moi c'est quand je suis devenu adulte de manger sur une table assis et pas accroupi sur une table basse. C'est le jour où je suis devenu adulte. T'as pas de vraie table. Il y a absolument pas la place chez moi pour une table. Nous non plus, on a qu'une table basse. Et ça nous frustre chaque jour, que Dieu fait. Ouais. Non mais après, attendez, moi ça me va parce que je suis seul aussi. Oui, voilà. Non mais en vrai, c'est moins chiant tout seul que. Non mais complètement. Tu sais moi des fois. C'est top d'être seul. J'allais dire. De temps en temps, quand j'ai pas ma fille, je mange sur la table basse. Ouh, là, je fais des petites folies. Hein, je suis là, genre. Je joue à la console et tout. Enfin, tu vois, la vie de. Oh, imagine, je suis un ado ou quoi. C'est une ville du Calvados. Tu m'étonnes. Un maire qui en a marre des voitures qui roulent trop vite. Qu'a-t-il mis en place pour calmer les automobilistes? Il a fait des faux enfants sur le point de traversée. J'ai eu peur. De quoi? Non, mais tu sais, des automates d'enfants qui font. Oh, je vais traverser, attention. Oh, putain, le gosse. Tu freines. Et en fait, ça a eu l'effet pas du tout prévu. Ils ont chopé 15 pédophiles. Ça a fait. Non, c'est pas ça du tout. Il a mis des clous sur la route. Non. Des dodanes. Il s'agit de Ville-Coyote là, par contre. Ça va rien à voir, tu confonds. Moi, je te parle d'un maire dans lequel. Il a mis un grand lasso comme ça. Et il tire sur. Et il attrape les voitures. Il a dessiné un trou sur le sol énorme. Ils sont tombés dedans. Dis donc. Il a mis des panneaux avec des informations, genre des chiffres sur la mort ou je sais alors, pas. Alors ouais, non. Mais ça, on est d'accord que. Je crois qu'on en a pas dans le podcast. Comme sur les paquets de clopes, mais c'est des accidentés de la route quoi, en énorme. Dans le billboard. Et n'hésitez pas à me le dire sur la messagerie du Floodcast Pod sur Instagram. Mais à une époque, moi, j'ai souvenir de visuels, de corps, de taille humaine noire avec une croix rouge. Oui. Mais on est d'accord qu'ils ont disparu des routes, ces trucs-là. Je les vois plus du tout. Moi, je voyais ça en vacances. Moi, je voyais ça tout le temps. Et genre dans beaucoup d'endroits. Et je le vois plus du tout. En région, qu'ils les ont enlevés. En région. En région. Est-ce qu'il met des trucs là où il y a eu des accidents pour Non. Comme les bouquets de fleurs là où il y a eu des accidents de motards. Non. Non, maintenant ils mettent le corps empaillé de la personne directement, je crois. Pour être vraiment plus frappant, quoi. Qui fait prendre des photos. Il fait du stop et quand tu t'arrêtes, il fait olé. Garde ta main pour pisser. Comme les poissons devant lesquels on passe quand ils chantent. Garde ta main pour pisser. Ouais, c'est quand même mon fils mort. Rolling. Alors, ce sont des panneaux. Mais il y a une petite fantaisie. Il les insulte. Il dit ralentissez bande de cons. C'est mais... génial. Possible, hein. Non, c'est pas ça. Dans le Calvados. Il y a du son. Non. Alors, il y a pas de son sur les panneaux. Et c'est pas ce qui est inscrit sur les panneaux. Je peux vous le dire, c'est un panneau stop. Mais ils ont quoi ce panneau stop? Il est immense. Alors, il est pas immense. Il clignote. Et on se rapproche. Il ne clignote pas. On peut le manger. Non. Il est tenu par une personne. Non. Est-ce qu'il est mou et du coup ça peut se prendre dans ton pare-brise? Qu'est-ce que tu racontes? T'es dans ton petit monde. Là c'est pour créer des accidents. Je peux vous le dire, ça se passe dans une rue de 200 mètres de long. Ah, c'est un miroir? Il y a un miroir? Non. Attends, c'est un panneau stop, mais il est spécial. Vous êtes dans un clip de Pink Floyd, les deux depuis le début là. C'est un panneau stop. C'est pas un panneau. Ah, il y en a 50. Alors. Bon, c'est gâché, il y en a 10. Mais ouais. 10 panneaux stop sur 200 mètres. Mais sur un truc où il n'y a pas de croisement? Alors, il y a des croisements, mais il y en a un tous les 20 mètres. Il n'y a pas un croisement tous les 20 mètres. Enfin, tu vois, là, il y a 10 panneaux stop. Donc, des fois, il y a une ligne droite et il y a juste un panneau stop en plein milieu. Exactement. C'est pas tout, dans une autre rue, il a fait autre chose. Quoi? On est encore sur un truc. Des feux tricolores? Non, un truc où il y en a 15. Mais pas des panneaux stop. Des dodanes? 15 dodanes, ouais. Une méthode excessive. Et pas des plus maniles déjà, parce qu'il y a 8 des panneaux stop qui ont été volés. Voilà, tout simplement. Oui. Les habitants de la commune d'Éperon, donc village de 1600 habitants dans la banlieue de Caen, trouvent évidemment ça débile, mais le maire se défend. Il nous fallait une solution pour ralentir les voitures, c'est justifié Gérard Vivier, adjoint au maire, en charge de l'urbanisme. On a des priorités à droite qui ne sont pas respectées. Aucune n'est respectée. Le bus n'arrive jamais à sortir. Il y avait soit mettre des ralentisseurs, soit les dodanes. Soit les stops, pardon, oui. Et on a installé des stops à chaque intersection. Cela garantit la sortie des véhicules. Vous êtes quel genre d'automobiliste? C'est la question que je me pose. Est-ce que vous êtes plutôt... Est-ce que vous avez le permis? Ouais, ouais. Okay. Permis. Toi, t'as le permis, Adrien? Bah ouais. Oui, t'as un Kangoo, je suis con. C'est pas un Kangoo, c'est oui, ça va. C'est un Volkswagen Caddy. Oh, apparemment, mon Kangoo est toujours dans le sous-sol, on m'a dit. C'est vrai? Ouais. Oh, putain, en fait, incroyable. Quelqu'un qui bossait à Canal m'a envoyé un message pour me dire ils ont pas bougé les caisses qui pouvaient pas bouger. Donc bon, je ne sais pas quelle entreprise va récupérer mon Kangoo, parce que j'ai garé mon Kangoo à Canal Plus il y a de ça 8 ans. Et pourquoi tu ne récupères pas? Parce que j'ai la flemme. Et que... non, mais en fait, j'ai... Et énormément d'argent. Ouais. Non, c'est que justement, c'est pour pas payer le parking. Ah, oui. Donc je l'avais foutu dans le parking de Canal Plus. Et entre temps, j'ai déménagé. Et donc j'avais la flemme d'aller à Boulogne pour récupérer une voiture que j'utilise pas. Je suis à Paris. T'as un Kangoo et tu t'en es pas servi pour déménager? Non. C'est fou. Non. Mais attends, mais mets-le dans ta maison de campagne, ton Kangoo. Mais non, mais faut que t'aies une voiture là-bas. Il a plus de. Enfin voilà, il démarre plus en fait. Ah oui. Donc il fallait que je voie avec Canal Plus pour faire rentrer une dépanneuse dans le souterrain machin. Et maintenant qu'ils ont déménagé, donc ma voiture apparemment est toujours là-bas. Mais j'irai un jour la chercher si vous vous abonnez à Acast Plus. On fera un vlog. Ah, oui. On fera un vlog. Une enquête de bâbord, ça. Attendez. On fera peut-être pas un max de vues là-dessus. Mais, donc ouais, vous êtes comment en voiture, Camille, par exemple? Plutôt, tu fais attention? Plutôt bourrine? Plutôt... Bah moi, je suis, j'ai un rapport traumatique à la voiture. D'accord. Non, rien de grave. Hein. Ouais. Juste, j'ai eu mon permis, je crois, avec. J'étais un peu favorisée. Genre, j'ai eu un peu de chance. Tout le monde était nul dans ma session. Et je suis la seule à l'avoir eu. Mais vraiment parce qu'il fallait le donner à quelqu'un. Tu vois, je crois qu'ils ont des quotas. Ouais. Je sais pas, mais. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Ouais. Je pense qu'il y a un truc de. On va pas... ouais. Ouais. Même pour l'image de l'auto-école. Oui. C'est 5% de réussite dans l'auto-école. Ouais. Puis j'ai pas conduit tout de suite et tout. La peur s'est agrandie avec les années. Et après, mon ex m'a forcé à conduire. Okay. Et j'ai... Après un bon repas à table. Et j'ai foncé dans une caisse. Enfin bon, j'ai fait un petit accident. J'ai... Okay. Je me suis mise à chialer, j'ai dû supplier quelqu'un dans la rue de sortir la caisse et d'aller la garer. Okay. Enfin, la honte absolue. et je me suis remise à conduire à la sortie du confinement. Okay. Quand j'ai découvert les voitures, les smart qu'on peut louer dans la rue. Ah oui, bien sûr. Et je me suis dit, elle est minuscule, c'est une automatique et tout, je pense que je peux le faire. Et donc, je me suis remise à conduire comme ça. Et on a fait un road trip en Écosse. Ouais. Et j'ai conduit à gauche la moitié du voyage. Donc, t'as commencé tout au niveau dur. Ouais, j'ai pris des skills. Mais et maintenant, je sais pas conduire une voiture manuelle. Mais moi, je trouve que les automatiques, ça, c'est quand même t'es beaucoup plus serein. Tu peux pas caler, donc déjà, ça t'enlève un énorme stress. C'est quoi. Le truc qui me faisait le plus peur. 90% quand j'ai passé le permis, des trucs, du truc chiant de conduire, c'est de passer les vitesses, quoi. Les démarrages en côte. Les démarrages en côte grave. Ouais, ça, putain. Mais moi, c'est marrant parce que donc je viens de faire un film et dedans, il y a un ado qui doit conduire à un moment et il avait passé le permis, mais automatique. Et donc il pouvait pas conduire une manuelle. Donc il a fallu qu'on trouve une bagnole. Là, ça, c'est la même, mais en. Mais en automatique, quoi. Ouais. Alors la chance qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas eu à chercher beaucoup. Enfin, c'était une voiture qui, de base, il y en avait surtout en automatique. Mais c'est fou, quoi. Je savais même pas qu'il y avait deux types de permis. C'est assez récent, manuel et automatique, quoi. Mmh. Ouais. Ah, c'est beaucoup moins cher, je pense, l'automatique. Ouais, bah, c'est moins long aussi, je crois. Oui, oui, c'est ouais, beaucoup moins long. Une semaine, ça devait. Oui, parce que démarrage en côte, moi, je me souviens, des fois, c'était une heure pendant l'après-midi, pendant les heures de conduite, qui était faut apprendre à faire ça et tout. Moi, je me rappelle, c'est tu démarres en côte, tu faisais une boucle, tu remontais la côte, tu refaisais un démarrage en côte en boucle comme ça. Oh là là, quel enfer. C'était pas le. Mais moi j'avais pas adoré les heures de conduite. Autant passer le code, c'était un peu marrant, mais les heures de conduite. Moi j'avais pas adoré les heures de conduite parce que j'étais tombé sur de prime abord sur un mec. C'est pas bord. Pas de. Oui, ouais, De prime abord sera ton. C'est ça, en fait, ce sera tes chroniques sur quotidien à la rentrée. Ouais, ouais. De prime babord. Oh, sur Inter, ouais. Bah, y a de la place maintenant dans le calendrier donc. Non mais j'étais tombé sur un gars qui je pense était à deux doigts de la retraite et donc il en avait plus rien à foutre. Il s'est fait buter comme tous les flics à deux jours de la retraite. Non. Non, déjà le mec au départ c'était les fameuses voitures où lui aussi il a les pédales et tout. Et vraiment le mec ne m'explique rien. Donc on va à Paris et tout. Donc moi je fais juste le volant, enfin c'est le truc assez simple quoi. Enfin je freine, enfin je fais pas grand chose quoi. Il me dit pas mal. Et à un moment. Mais il m'explique rien quoi. Et en plein Paris, il fait allez, vas-y, je fais plus rien. Donc moi, je fais et je me freine. La première séance, il fait pas ça. Et à l'issue de la séance, il fait c'est un très bon débutant. Donc je fais putain, trop pop, bien, je suis stylé et tout. Ouais. Deuxième séance, il me fait ce coup-là où il est en plein milieu, il fait allez, je touche plus à rien. Donc je cale, je panique et tout. Il fait je retire ce que j'ai dit. Oh, enfoiré. Énorme bâtard, donc ma confiance en moi vraiment. Et à la dernière séance, c'est devenu Eddie Mitchell. Non, et vraiment, il avait ce truc où il ne m'expliquait rien. On roulait, on faisait la base, tu vois, il m'avait appris les vitesses, tout ça, mais tous les trucs, enfin, vraiment, je ne savais rien. Et il me disait, tiens, tu vas là, tourne à droite, machin, bah vas-y, gare-toi là, descends, et puis va voir, tu vas dans la pièce là-bas, tu rentres, tu dis que tu viens de la part de monsieur machin, ils vont te donner mon courrier et tout. En fait, je faisais ces. Ah ouais. Moi donc, aussi, je faisais ça. Ah ouais, c'est pareil. Ça, c'est un vrai ouais, truc. Ouais. Bah dans le film tellement proche, j'en parlais la semaine dernière, il fait ça le gars de l'école, il utilise. Ah putain, donc c'est un courses. Truc. Ouais, et moi, mais le mec, il m'emmenait en banlieue, mais loin quoi. Et genre, j'allais dans un truc où, des fois, où juste je l'attendais et lui, il allait parler à des gens et tout. Mais là, je me fais arnaquer de ouf quoi. À 50 euros de l'heure, c'est fou la haine quoi. Et donc, du coup, et donc, moi, j'ai pas osé me plaindre à l'auto-école, genre bon là il m'apprend rien en fait quoi. Excuse-moi, tu as passé le permis du coup vers 18 ans ? Non, vers 30. Ah oui, ouais. Ok. Et donc il y a un peu plus de. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que moi j'avais 18 ans quand tu m'as fait ça. Oui, ah non ! Sinon j'aurais dit quelque chose bien sûr. Non. Attention, moi j'ai. Grosse victime. Non, énorme victime. La franchise du rire de Camille. C'est totalement justifié. Je sais même pas si encore aujourd'hui j'oserais. Ouais, bien sûr. Mais non, j'ai rien dit et vraiment. Enfin, si au bout d'un moment j'ai dit bon, t'as mis une étoile sur Google. Non, il y a au bout d'un moment j'ai quand même, mais au bout, trop longtemps, j'ai dit en fait, il m'apprend rien quoi. Ouais. Ils m'ont changé de. J'ai quand même dit au bout d'un moment. J'ai attendu beaucoup bravo, trop longtemps. Mais bravo d'avoir dit quelque chose. Merci. Attends, tu rigoles. Non. Et effectivement, le moniteur suivant, il m'a dit bah vas-y, fais ça. J'ai dit mais je sais pas du tout comment on fait. Il fait ah oui, d'accord, tu sais rien quoi. Je fais, ouais. Et du coup, on a vraiment repris à zéro tous les trucs. Donc j'étais assez deg de ce gars. Il a fait 506 heures de conduite. Ouais, vraiment beaucoup quoi. Heureusement que c'est pas moi qui payais. Il a son statut d'intermittent mais non, mais sinon conducteur il y a ce fameux truc où moi j'ai une camionnette aménagée et tout donc que j'ai acheté il y a quelques années et vraiment c'était un peu mon truc, un peu mon rêve. Mon rêve serait plus un truc genre van ou camping-car, mais là c'est déjà un pas vers mon rêve. Tu tâtonnes. Donc j'étais ultra content, j'étais allé dans les je sais plus dans quelle région, enfin dans la montagne, pour l'acheter dans un petit garage et tout, j'étais trop content. Et vraiment, 3 heures après, j'ai eu un accident avec quoi. Mais vraiment, je me suis pris un mur dans un petit. Je suis tombé dans un fossé et tout. Enfin, un petit truc, pas un vrai fossé, mais les petits fossés de bord de route là. Ouais. J'étais quand même coincé et tout, donc j'ai eu un accident. Ça ne m'a pas traumatisé. Mais donc non, moi je suis conducteur plutôt relax. Ouais, relax. Bon, avec des crises de colère ultime comme n'importe quel conducteur quand quelqu'un te fait une incivilité ou tu hurles seul dans ta voiture. Ouais. Moi je souhaite c'est des terrible. Moi je deviens très mais enfin bon, c'est de la folie pure hein, c'est un truc de serial killer, mais je souhaite des maladies, des accidents. Je suis pas dans l'insulte. Genre mais toi mais vas-y mais crève d'une maladie. Tu sais j'ai un truc un peu j'invente des trucs un peu vénères. Le Joker, ma meuf. Ouais, je suis le Joker. Mais ce que je dis, des trucs contre la société aussi. Ah oui, tu ris aussi. Hein. Je ris. C'est quoi cette queue de poisson? En agglomération, 150. C'est passé à 80, hein, la nationale, et où là? Joker futé. Ouais, non, j'ai. Mais après aussi, j'ai fait la conduite accompagnée avec ma mère et je détestais parce que elle était pas, t'es pas méchante, mais elle faisait des bruits de stress. Allez, ce qui est normal quand t'as l'habitude de conduire en plus et que tu te mets en passager. Ouais. Je pense qu'effectivement les murs à droite te paraissent plus proches. Enfin, je pense qu'il y a un truc visuel qui doit être, tu vois, qui doit être accru. Oui, accru. Et du coup, elle était donc c'était horrible. Et en plus, ça servait à rien puisque une semaine après avoir eu le permis, j'ai fait 3 tonneaux en voiture. Ah, oui. J'ai ruiné le Ford Focus C-Max. 3 tonneaux, malheureusement. Ouais. Mais j'étais pas, j'étais pas en faute, si, totalement. Mais j'ai rien fait de grave. En fait, j'étais juste, il pleuvait. Et il y avait une voiture en face que j'ai trouvée un peu trop au milieu. Alors à l'époque, hein, avec, j'avais à peine mon permis. Je sais pas si elle était vraiment au milieu, mais j'ai eu la sensation qu'elle était trop proche de moi et que j'allais me la prendre. Donc j'ai été un peu à droite. Et c'était les nationales de merde en Bourgogne où il n'y a pas de barrière, rien. Donc j'ai commencé à patiner sur de l'herbe. Et donc je suis parti en tête à queue. Donc j'ai fait 3 tonneaux et j'ai fini dans le fossé. Mais pas de blessure, il y a un petit peu de verre dans la main, mais rien de ça bien va, méchant. C'est rien ça. Bref, c'est une blessure de guerre. Ouais. Voilà. Et toi, Clembebs ? Moi, plutôt relax. J'ai juste eu un été maudit où je me suis pris un caddie, une biche et et une voiture. Ah oui. Mais à des moments différents, avec la même voiture que ma tante m'avait prêtée. Elle a jamais su que je l'avais ravagée. Toujours dans ce truc de rentabiliser le. Tu vois, comme avec les week-ends là. Exactement. Non, mais moi, si je pars en vacances, je me prends 3 trucs. Ah, comme ça, c'est fait. Et puis c'est crescendo, hein. Caddie, biche, voiture. Pas un petit accident comme ça de temps en temps le week-end, non. Non. Mais du coup, j'avais travaillé un mois cet été-là et ça a servi uniquement, ça a à peine remboursé les trucs de la voiture. Et, voilà. Et t'es quel genre de conducteur? T'es plutôt... En vrai, plutôt cool, j'ai plutôt serein d'habitude et j'ai plutôt. Toi, non, t'as quoi à dire, Kevin? Aïe, aïe, aïe. Oh, tu trouves que je conduis mal? On devient les amours. Non, mais vas-y. On va te donner une planchette, il va te taper la tête. Vas-y, on t'écoute, Camille, on t'écoute. Quand je suis copilote, heureusement que je suis là, quoi. Enfin, quand même. C'est-à-dire? Bah, pour dire. Attention! Ah oui, tu la merdes, en feu. Le feu est rouge. Ah oui, voilà. Rien voilà. Fait, bien méchant. Ah, quand tu dis relax, c'est-à-dire que tu t'en branles du voilà, code de la route. Non, moi je suis relax. Je percute des bosses. Ah, je me laisse pas emmerder par les éléments extérieurs. Là, tu vois ta mère qui faisait. Ah bah, c'est Camille. Ouais, c'est... Bon, voilà. Oui, mais c'est vraiment pour notre survie que je fais ça, tu vois. Après, t'as très peur pour pas grand-chose aussi. Hein. Enfin, je veux dire. Oui, moi, à chaque fois, je trouve allez, que tu surréagis. On va changer de. Non, attends, tu attends. Camille, non mais c'est vrai, j'ai exactement la même chose moi, c'est que je pense que j'ai l'impression que je conduis plutôt bien, je pense que je conduis pas si bien, faut être honnête. Je conduis suffisamment bien pour que personne soit en danger, je pense que ça va. Voilà, mais pareil. Mais je pense qu'effectivement ma meuf peut avoir des choses à reprocher sur ma conduite, sur des virages un peu sécos ou des accélérations. Moi je mérite pas qu'on me hurle dessus. Ouais. Bon, moi je mérite un petit peu pour moi je suis serein parce que il y a 2 ans truc comme ça, on était parti dans le sud avec mon ex, donc avec mon camtar quoi. Ouais. Et devant nous c'est deux personnes différentes hein, l'ex et le camtar. Ouais, bien sûr. L'ex dans le camtar hein, et devant nous il y avait un poids lourd. Ouais. Et en fait son pneu a éclaté. Oh la vache. Mais devant nous. Ah ouais. Et du coup le pneu il était au milieu de la route quoi. Et donc mon ex s'est chié dessus. Et bien j'ai sûr. Vraiment eu un truc de genre non t'inquiète. Enfin je suis resté, je comprends pas comment. De marbre. Et vraiment j'ai dit non t'inquiète je vais. Et j'ai vraiment juste roulé sur le truc. Et tu sais au lieu d'essayer sur le mec ouais. Comme Clément je suis très relax. Il y a un gars, je roule dessus, il y a pas de problème. Non mais au lieu justement d'essayer de l'éviter, j'ai fait non t'inquiète, j'ai roulé dessus tout c'est et le camtar aussi était très relax, il s'est mis sur le bande d'arrêt d'urgence. Moi j'ai aussi eu un peu un truc comme ça où devant moi il y a un mec très bizarre, Je me souviens très bien parce que c'était le 23 décembre, la veille de la veille de Noël. Un conte de Noël qui nous raconte. Oui, non ça va. Mais donc je prends la voiture et je vois une voiture qui va à gauche mais qui se déporte tout doucement. Et je fais oh là c'est bizarre. Mon père. Sûrement. Donc au début non. Donc au début je dis enfin je fais des appels de phare parce que j'avais le réflexe de faut pas klaxonner parce que s'il dort et machin il peut avoir un mauvais geste. Bon clairement il dort. Donc là, je commence à klaxonner, il ne se passe rien et il va dans le fossé. Enfin, il passe. Non, pardon. Tout va bien, ça finit bien, ça finit bien. Mais il part dans la route d'en face où il y a personne. Ton mime me fait imaginer vraiment un accident très doux. Et très doux. Très doux, mais en même temps assez. Enfin, et au final, dans le fossé, quoi. Ouais. Donc moi, pareil, j'ai le réflexe quand même de rétrograder. Attention, derrière, il n'y a pas de voiture, je freine. Je traverse et tout. Et là, moment de panique énorme, j'entends un bébé pleurer. Et je fais, oh putain. Et en gros, c'est juste le gars, c'était ouais, en mode. Bah, clairement, il avait pas le permis, un bébé. C'est normal. Normal aussi. D'où il a une caisse. Bah, donc, normal, je l'ai pris, j'ai mis une fessée. Je lui ai dit, attends, oh là, oh. Qu'est-ce que c'est que. Je sais que normalement, on n'a pas le droit, mais là. Tu l'as secoué un peu, quoi. Je lui ai dit, écoute, on conduit pas une voiture à 3 mois. Non, et en fait, c'était le gars, effectivement, qui s'est endormi au volant et tout. Ah. Mais heureusement, pas de blessé, rien. Mais du coup, la veille de la veille de Noël, j'ai aidé le gars avec son bébé et tout. Ils sont mis au chaud dans ma voiture et tout. Ouais. Par contre, peut-être eux, leur Noël, où il a dû expliquer à sa femme qu'il s'est endormi au volant avec le bébé. Non, c'était pire. C'était pas son bébé, il l'avait enlevé. Ouais. Le pire. Non, c'était un oncle. Donc c'était pas, c'est faut expliquer au frère ou à la sœur qui sera là au repas de Noël hein, aussi. Donc il y a une bonne ambiance. Écoute, peut-être il lui dira jamais. Moi honnêtement, ça m'arrive. Potentiellement je le dis jamais. Hein. Potentiellement je les garde un peu pour et moi. Ta bagnole, je l'ai revendue. Non, non mais la bagnole, j'arrête, j'ai fini en à fait. Pied, j'étais chaud. Bon. C'est comme dans Friends où il dit putain il y a Ben, il est bizarre et tout. Tu dis non il va bien le bébé. faites pas attention. Chers amis, ça fait déjà 1h25 qu'on parle, c'est énorme. On va passer aux recommandations culturelles. C'est vrai que j'ai oublié de vous demander. Heureusement, je me tourne vers Adrien Miel qu'on a toujours une sous le coude. Donc ça peut être effectivement des films, des séries, du théâtre, des concerts. J'ai compris que je pouvais me le foutre au cul. Détester la musique. Ça peut être une expo. Avoir des goûts personnels ou hein? Est-ce qu'on peut avoir des goûts perso qu'on exprime? C'était un petit gag. Je l'ai lu. La tyrannie là de. Ça va. Jean. Le mépris. Le mépris, non mais. Adrien. Moi, alors, chaîne YouTube d'un mec qui s'appelle Linus Baumann. Alors, c'est un peu de niche, mais c'est un mec. Ah, c'est un chien. Oh là là, arrête quoi. Non, mais. Mais t'es malade, non, ça. Je plaisante. On a le droit de rire encore. On a le droit de rire ou en 2024? Pas pendant la rococulture. Oui, voilà, pardon, c'est vrai, arrête. Excuse-moi. Pardon. Elle est déjà assez en danger comme ça, notre culture. Je rappelle les discours. Palme d'or. Qu'est-ce qui est dans l'actu, putain. Linus Baumann, et j'ai pas grand chose à dire. J'en ai pas vu énormément, mais j'ai trouvé cool. Il parle beaucoup de tout ce qui tourne autour du graphisme. C'est en français ou c'est en... C'est américain. Un Ken Reed Estates. Et non, il fait des trucs sur la typographie. Il a fait aussi une vidéo sur les clip arts. Je sais pas si vous vous souvenez. Bien des sûr. Clip arts. Ouais. Il y a un clip art dans mon film. Ah. Sur, les trucs sur Word, c'était. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est assez intéressant. En plus, sur la forme, c'est assez bien fait et intéressant. Et donc, il explique d'où ça vient. À l'époque, avant l'ancêtre des clip arts, c'était vraiment des catalogues papier que t'achetais et les gens découpaient et collaient ça dans leur mise en page et tout ça. Donc, assez intéressant. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, mais je trouve ça assez cool à regarder. C'est tranquille. Trop cool. Ça parle de typographie, de graphisme et de. Ah putain, si, j'ai, y a une anecdote que j'ai appris dedans qui est assez cool. C'est la fille du président du Pakistan, si je dis pas de conneries. En gros, elle était accusée d'avoir utilisé des fonds publics pour s'acheter des trucs. Et donc, elle a montré un document en disant bah non, regardez, ça prouve que c'est pas arrivé. Sauf que c'est des faits qui remontaient à plusieurs années auparavant. Et elle dit bah regardez, c'est des documents de l'époque qui montrent que. Et en fait, elle avait utilisé la police Calibri, qui en fait n'existait pas à l'époque. Et du coup, elle a été condamnée à cause de ça, parce qu'ils ont dit bah c'est la typo Calibri, elle n'existait pas à l'époque, donc c'est un faux document. Oh là là. Donc petite anecdote, voilà. Donc voilà, Linus Baumann, B-O-M-A-N. Pas mal, pas mal. Clément. Moi, c'est une chaîne YouTube que j'aime bien, de débunkage, qui s'appelle G, 1000 grammes G, la lettre G, et M-I-L-G-R-A-M. Ok. Et il fait ça de manière un peu trollesque, un peu comme ce que je propose. D'ailleurs, on va faire un feed prochainement, mais j'aimais beaucoup sa chaîne, je lui ai proposé. Il s'installe. Et... Mais... Ah, c'est une reco et il n'y a plus en même temps, il est fort. Il est fort. Évidemment, bon, le buzz est l'argent du buzz. Et non, il fait plein de sujets sur des trucs que j'aime bien, moi, sur des charlatans, etc. Sa dernière vidéo, par exemple, sur la musicothérapie. Et où on apprend que par exemple Laurent Wolf, le DJ à l'origine de No Stress, il a inventé une table sur laquelle il met des enceintes qui te rééquilibrent tes fréquences avec de la musique, ce genre d'accord. de choses. Bien, bien sûr. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois il pousse le truc un peu loin. Là, il a créé des sons de musicothérapie, donc c'est juste une note, il montre comment il l'a fait avec un vieil effet de merde. Et après, il leur donne un nom à ses tracks et il les envoie à des mecs en leur disant voilà, celle-là, elle va rééquilibrer tes fréquences de telle manière et tout. Et les gens qui font de la musicothérapie lui disent mais c'est génial, je vais utiliser tes sons dans mes sessions, etc. Bon, ça prouve bien que ça ne veut rien dire et que c'est n'importe quoi. Et du coup, il a traité pas mal de sujets comme ça. Donc voilà, je vous invite à aller voir bien. Sa chaîne. J'irai voir. J'ai 1000 grammes. Très bien. Et je me permets aussi. Tu peux en faire deux. Attends, je peux en faire deux, mais ça concerne aussi Camille. C'est le Palavas Péniche. Faut s'abonner absolument. Bien c'est notre nouveau média qu'on a créé avec Camille, Marthe, Eddy et Young Jeune, un rappeur. C'est improbable dit comme ça. Mais bon, voilà. C'est... Young Jeune, très bon nom de rappeur. C'est voilà, c'est un faux média. On publie 3 vidéos par semaine, des parodies d'actu. Je sais pas comment le pitcher. Camille, complète. Je te passe le flambeau. ouais, je sais pas, c'est notre nouveau média cool. C'est du sketch en tout cas. Oui, c'est des sketchs. Sketch, c'est très marrant. De la parodie. Pas regarder, c'est sur Insta. Sur YouTube aussi, vous avez une chaîne. On est partout. Ouais. Ah, on vous êtes partout. Vous êtes transmédia. Et TikTok aussi. Et TikTok, ouais. Oui. J'ai même pas TikTok, mais bon. Écoute, j'ai vu ce personnage de chroniqueuse. Bah oui, très bien. Beaucoup rire. Justement, d'ailleurs, Camille, recommandation. Moi, je sais pas si c'est niche ou pas, mais je pense pas. C'est le podcast cinéma de François Bégodeau. Ok, non, vas-y. Ah ouais. La gêne occasionnée. Ouais. J'écoute pas tous les épisodes parce que à chaque fois c'est sur un film ou un livre. Donc si j'ai pas vu le film ou le livre, je me spoil pas, donc je peux pas tous les écouter. Spoil. C'est bien de le lire aussi. Ouais. Oui, il raconte. C'est dur de parler d'une œuvre sans spoiler, ceci dit. Hein, mais... Ouais, je pense qu'il spoil. Ouais. Comme j'écoute que les épisodes que j'ai vu le film, ouais. Je me rends pas compte, mais ouais, il raconte le film. Et j'aime bien, des fois je le trouve assez de mauvaise foi, je préfère les épisodes où il a aimé le film que ceux où il a pas aimé parce que je le trouve vraiment de mauvaise foi. Après c'est quand même très, très marrant, c'est pas un truc où qu'on écoute pour se marrer en vrai. Il a un acolyte dont on connaît pas l'identité, le prénom, et ce mec est ultra calé, c'est un chef-op, et lui il a une analyse plus technique des films qui complète bien l'analyse plus philo de François Bégodeau. Et il y a des épisodes un peu cultes que j'ai réécouté plusieurs fois, celui sur Mandibule, où il analyse un peu la hype de Quentin Dupieux. Mais tu sais, tu sens que c'est pas préparé, que juste il est super smart et qu'il va au fil de sa pensée et que ça l'a mené à analyser cette hype. Ouais. Et c'est hyper bien vu. Okay. Et en même temps, c'est assez marrant quoi, quand même. Okay. Et voilà, ouais, y a un épisode un peu culte sur le Shining. Ok. Lui il déteste Kubrick, voilà, c'est un épisode de hate, il est super marrant, je l'ai réécouté plein de fois aussi. Okay. Et c'est intéressant, c'est très intéressant quoi. Voilà. Donc ça s'appelle comment La gêne occasionnée. La gêne occasionnée, François Bégodeau. Ouais. Voilà, très bien. Et bien quant à moi, alors j'ai deux recos, j'ai un podcast également, j'en avais parlé de la saison 1 d'ailleurs de ce podcast, ça s'appelle Hollywood French Lovers de Sofilm. Oui. C'est Sofilm qui a lancé ce podcast. La saison 1, j'en avais parlé, c'était sur 4 metteurs en scène français qui étaient partis faire l'aventure américaine. Je vous le reconseille si jamais vous ne l'avez pas écouté. C'est en gros 4 créateurs. Donc il y a Pitoff qui avait fait Vidocq et qui d'ailleurs a fait Catwoman. Alexandre Aja qui avait fait Haute Tension et qui d'ailleurs avait fait La Clignée des Yeux. Jean-Pierre Jeunet, Amélie Poulain, Aline Résurrection et... Merde, le dernier, je sais plus qui c'est. Ah bon, c'est pas grave, je vais vérifier. Le quatrième réalisateur, je sais plus qui c'était. Il y a Aja. Aja, Louis Pitoff, Le Terrier. Louis Le Terrier, bien sûr, en plus qui est dans l'actu, puisqu'il a fait Fast and Furious 10 avec Ali Badou. Tout se recoupe. voilà, et donc c'est ces réalisateurs qui donnaient leur expérience. Et ce qui est rigolo, c'est que y a ceux pour qui ça s'est très bien passé, comme Louis Le Terrier, et d'autres qui n'ont pas adoré l'expérience, comme Pitoff. Donc voilà, c'était super. Et là, ils ont fait une saison 2 sur les acteurs. Donc c'est plusieurs comédiens qui parlent de leur expérience, et ça va de Julie Delpy à des acteurs que nous peut-être on connaît pas comme ça, mais qui cartonnent aux États-Unis. Ou il y a une nana, j'ai oublié son nom malheureusement, mais qui est dans Pirates des Caraïbes 4 et qui est revenue en France faire des films d'auteur. Voilà, il y a plein de comédiens, comédiennes, et leur parcours est super intéressant. Et c'est aussi mélangé avec des interviews d'Omar Sy, mais qui lui pour le coup c'est des interviews, ou du Jardin, c'est des interviews qu'ils ont pris, c'est pas eux qui parlent dans le podcast, mais le truc est assez bien monté pour que ce soit assez ludique et sympa quoi. Mm. Et voilà, c'est très sympa comme podcast, donc je vous invite à l'écouter. Ça s'appelle Hollywood French Lovers. Mais c'est en français du coup. Ouais, ah oui, c'est en français. Ouais, c'est en français. Et c'est Maëlle Diallo, le nom de la journaliste qui a créé le ah, le podcast. Bah, je l'ignorais. Voilà, big up à elle parce que c'est vraiment vachement bien. C'est vraiment j'avais bouffé la saison 1 comme un dingue, et la 2 je l'ai vu passer vraiment dans Sofilm, je crois ils en ont parlé, et je l'ai pas vu beaucoup partagé, et vraiment je vous invite à écouter ce truc là, c'est vraiment vachement bien, la saison 1 et la saison 2, Hollywood French Lovers. Et un film qui est ressorti que je n'avais jamais vu, qui s'appelle Milou en mai, de Louis Malle. Alors c'est un film très classique, je l'ai vu il y a longtemps, ouais, qui est sorti en 1990. C'est écrit entre autres Louis Malle et Jean-Claude Carrière, donc grand scénariste français, etc., etc. Et le film ressort en ce moment. J'ai eu la chance de le voir dimanche dernier au cinéma. Je l'avais jamais vu et c'est très très bien. Ça raconte l'histoire d'une famille un peu bourgeoise dans une maison de campagne pour la mort de la grand-mère qui en gros à qui appartient la maison. Et donc c'est les trois fils qui qu'est-ce qu'on fait de la maison. Sauf que ça se passe pendant mai 68. Et en gros, vu que c'est des bourgeois, ils ont un peu peur de mai 68, de qu'est-ce qui va se passer. Ils disent, mais attendez, en fait, nous, on n'a rien fait. Vous pensez qu'on est considérés comme des riches, que les étudiants vont venir nous tuer, etc., etc. Mmh. Et donc, c'est plusieurs bourgeois qui parlent. Et en gros, pourquoi je parle de ce film, c'est très marrant qu'il ressorte maintenant, parce qu'il y a un peu un renouveau en ce moment, je trouve, dans le divertissement sur la caricature très marrante et plutôt bien vue du bourgeois, parce qu'il y a eu, Parasite, il y a eu Triangle of Sadness, il y a White Lotus, la série, et c'est des trucs très marrants sur là. Et Milou en mai, qui est sorti en 1990, franchement c'est très très rigolo, les acteurs sont incroyables, il y a Michel Piccoli, il y a Miu Miu, il y a François Berléand, Valérie Le Mercier, Michel Duchossois qui est incroyable comme acteur et qui est trop marrant dans le film, et Bruno Carrette, c'est un des premiers rôles au cinéma et c'est malheureusement un des derniers. C'est peut-être pour ça que j'étais allé le voir, ouais. Je pense que mon frère avait dû me traîner. C'est ça, Bruno Carrette joue dedans. J'avais 10 ans en 90, donc je sais pas pourquoi, j'ai rien compris clairement. Ah bah, tout ce que t'as dit, je m'en rappelle pas. Donc, ouais, non, je pense que juste il m'a dit, mais il y a le mec des nuls, donc je vais le voir. non, c'est ouais, il y a Bruno Carrette qui est très marrant dedans. Enfin, tout le monde est vraiment marrant et en même temps, alors. Il y a beaucoup de cul dans ce film, ce qui est alors, un peu c'est étrange. Ça, je m'en rappelle. Ouais. Non, mais c'est pas étrange, mais c'est vrai que bon, t'as l'impression que le film tenait sans autant c'est de cul. C'est pas étrange, c'est top, mec. Ouais, c'est vrai que le cul, c'est top. Mais non, mais à première vue, t'as l'impression que tu peux l'enlever du film et que ça change pas grand chose. Moi, j'ai été un peu décontenancé par autant de cul. Après, mais... c'est l'époque aussi, mai 68. Ça... Oui, mais vu que c'est les bourges. Oui, sûrement. Nous enlève pas les bonnes choses. Voilà. Il nous reste plus grand chose. Et d'ailleurs, dans le film, c'est très marrant. Il y a une comédienne qui joue une enfant qui s'appelle Jeanne. La comédienne s'appelle Jeanne Herry, qui entre temps est devenue réalisatrice. C'est elle qui a fait Pupille, qui est vachement bien. Et Je verrai toujours vos visages, que je n'ai pas vu, mais qui paraît vachement bien. Donc voilà, c'est un petit, oh là là, pour les cinéphiles. Un petit bonbon pour les bonbon, cinéphiles, ouais, voilà, que je vous offre. Non, mais voilà. Donc Milou en mai, c'est ressorti au cinéma. Je pense que ça va être dispo sur plein de plateformes de VOD également. Très bien. C'est vraiment marrant. C'est vraiment un film de son époque et c'est drôle et touchant. Il y a des bonnes répliques. Allez voir le film. C'est vachement bien. Bon, bah voilà. Écoutez, donc j'allais refaire un dernier tour de table, mais on l'a dit. Pas la vase péniche. Babord, ta chaîne YouTube, t'as sorti une vidéo il y a pas longtemps sur les mal-alpha. Sur les mal-alpha, ouais, que ça. Voilà, très drôle. C'est Marocco aussi en plus. Ah, voilà. Ouais, tu rigoles. Allez voir. T'es sur quelque chose en ce moment là pour la prochaine. T'as le fameux feat. Bah ouais. Alors du coup, le YouTuber dont j'ai parlé, Gémil Gram, lui, il va traiter de la lecture rapide. Ok. Qui serait, je veux pas trop spoiler, mais un bullshit monumental. Ah, okay. Je me demandais parce qu'il y a un mec dans le dernier Popcorn ou l'avant-dernier qui était champion du monde de lecture rapide. Ah, il s'appelle. Il avait une barbe. Je sais pas. Il s'appelle Alexis Vidier. Vous êtes en train de faire un qui est devant moi ? Vous êtes en train de faire un qui est ? Non, mais je me disais, mais comment c'est possible ? Et ben justement, il va prouver que les médias tombent dans le panneau tous, donc même Popcorn, putain. Mais bon, voilà. Et moi, je fais, on va dire, un complément. Ce sera moins poussé, mais sur l'écriture rapide, parce que j'ai suivi une formation pour écrire super vite. C'est pas hyper intéressant, mais du coup, t'es censé écrire un livre en 7 jours chrono. Donc je l'ai fait, j'ai sorti mon roman. Attends, parce que c'est écriture... pas à la main, c'est vraiment... C'est l'écriture en termes de création, quoi. Okay. Ouais, mais en fait c'est nul. Oui, j'imagine. Et voilà. Une formation à 100 balles, quand même. Hein, donc, Après, c'est peu, en vrai. C'est pas tant à une formation... Si la promesse est respectée, c'est pas tant. Oui, ah, oui, non, mais oui, non. Oui, mais si le contenu est à chier, voilà. Bien sûr. Bon bah écoute, on le dira ça, tu vas le sortir bientôt, tu seras en dédicace dans toute la France pour ton roman. Oui voilà, c'est ça, vraiment pas. 3 balles sur Amazon. Bon bah merci tout le monde. Merci beaucoup. Adrien, pardon, peut-être non, aussi. Non, non, la bonne auberge. Voilà. Bonne auberge deux fois par mois sur la chaîne Twitch et YouTube de la bonne auberge. Voilà. La bonne auberge JDR, tout attaché. Voilà. Tout à fait. Camille ? Bah moi je viens de tourner la saison 2 du réseau, le truc de sympa cool, la web série. Voilà, c'était très cool, ça sort en septembre. Trop bien. Et là, j'écris la saison 8 des Cassos. Génial! Bah, trop bien. Ouais. Trop cool. Attends, la saison 8, c'est celle qui va sortir, pas celle qui est en ce moment diffusée. Non, il y en a une qui est en diffusion, c'est la 7. Ok, c'est ça, donc ce sera la prochaine. Ouais, dans longtemps du coup. Trop bien. Bon, bah félicitations, écoutez, merci en tout cas. Et moi, je co-écris le spectacle de Léopold, c'est Horizon 2024, pensez-y, commencez à mettre de l'argent de côté pour payer vos places. Oui, j'ai vu qu'il testait un peu en Comedy Club et tout. Ouais. C'est une bête, c'est ma poule aux œufs d'or. T'as tout mis dedans, tu es le Cédric de son Laura Felpin, j'ai l'impression. Exactement, voilà, je suis son avo, McFly, je sais pas. t'es là. Ouais, je suis là. Ok, bon bah merci tout le monde en tout cas. Ciao, salut, bye bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.